Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 88e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et les VR for Player, franchement, c'est pas sérieux parce que on a quand même une semaine de retard sur la nouvelle émission par rapport encore. À celle encore du retard, encore à la bourre, encore toujours, à l'arrache, toujours à la bourre. Ah mais c'est ouf hein. Mais bon voilà, comme on lisait sur le Discord, en fait c'était vraiment pas voulu, c'était parce que ben les planètes étaient pas alignées et puis parce que l'information en ce moment était pas non plus vraiment ouf. Mais bon, on s'est motivé et rien que pour le plaisir de pouvoir discuter ensemble, et ben du coup on se retrouve pour cette émission numéro 88 et je retrouve Majo. Salut Majo. Salut. Comment vas-tu Majo? Ça va. Mieux que la semaine, enfin qu'il y a 3 semaines du coup, qu'il y a un mois où j'étais malade comme un chien. Mais non, ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais je tiens quand même à dire que tu as hosté d'une main de maître. Ah, impeccable. j'étais au top. Et ensuite, nous avons Lolo. Salut Lolo. Salut tout le monde. Comment vas-tu, mon petit Lolo? Comme d'hab, ça va, ça va. J'ai failli faire une méga super introduction. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mais non, je le ferai la prochaine fois. Tu te resteras un petit peu, c'est bien, t'as raison. Voilà, voilà. On est trop vieux pour ces conneries. Non, on n'est jamais trop vieux pour ces conneries. Hein. Donc du coup, bah oui, voilà, c'est pas qu'on s'est forcé un petit peu pour faire cette émission, mais c'est vrai que vu le retard et vu un petit peu toutes les news qu'il y a sur, enfin les non-news qu'il y a sur le PSVR en ce moment, on sent qu'on est vraiment à deux doigts de le voir, de pouvoir le précommander, mais qu'on peut pas encore et que il y a la Paris Games Week qui va arriver dans pas longtemps. Et d'ailleurs, on peut faire un petit aparté déjà là-dessus en disant que Majo sera en signature du coup dans le stand Hall 4 pour faire les signatures VR for Player. Je pense qu'on peut le dire. Hein. On peut le dire. Ouais. Dédicace. J'ai ma table de camping et deux fauteuils. Ça sera parfait pour faire la dédicace. T'as ton petit réchaud. Un appareil de tatouage. Voilà. Je risque de changer régulièrement de place étant donné que j'ai pas payé les droits. C'est ça. Le petit stand de tatouage effectivement pour mettre Majo Forever sur votre cul. Donc voilà. Exactement. N'hésitez pas. Je vous aime Majo. Je vous aime Majo. Voilà, avec un groupe Poutou. Voilà, donc effectivement, on pourra te retrouver oui. Du coup à la Paris Games Week au détour de certains couloirs. Je pense que tu vas aller voir un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu ce qui peut être intéressant en VR à découvrir, même si on n'en sait pas grand chose pour le moment. Ben alors, je vais pas faire que la VR, hein, je vais tout faire. C'est le but de cette PGW, c'est que j'aime bien découvrir un max de choses, VR ou non. Donc le but du jeu c'est d'essayer vraiment tous les stands un par un, voilà. D'accord, donc voilà, mais si vous pouvez le retrouver ça sera là-bas. Ensuite on voulait faire aussi une petite parenthèse sur pour remercier tout simplement hein, encore une fois les gens qui nous suivent, qui commentent sur les vidéos, enfin les versions vidéo du podcast sur YouTube. Les gens qui mettent des pourboires aussi, apparemment il y a une option qui a été rajoutée par Laurent pour pouvoir remercier les intervenants et puis voilà, réévaluer un petit peu notre travail. Les gens sur Tipeee aussi qui donnent, qu'on remerciera jamais assez. Les gens qui commentent sur le site, les gens qui partagent avec nous la même passion pour la réalité virtuelle sur PSVR et puis un petit peu ailleurs parce qu'on en parle de plus en plus. Donc voilà, Majo, si t'as quelque chose à rajouter là-dessus, parce que je sais que c'est toi qui suis beaucoup ce genre de choses-là. Non, la même chose, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à partager votre avis. Alors des fois on est d'accord, des fois on ne l'est pas. Mais en tout cas, merci, parce que c'est toujours sympa de répondre. On essaie de répondre au maximum, pour l'instant on y arrive. Et puis voilà, donc continuez, nous ça nous plaît, et puis j'espère que vous aussi. Voilà. Et merci. Et puis garder en mémoire que vraiment voilà, sur des périodes de disette un petit peu comme en ce moment, si vraiment on se pousse au cul malgré les impératifs personnels, professionnels, etc., et on peut pas forcément se rendre disponible tout le temps parce que on a tous des vies hein, comme vous, c'est vraiment grâce à ces messages là qu'on se met vraiment des gros coups de pied au cul pour continuer. Donc, voilà, merci tout simplement, merci et sincèrement parce que voilà, ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on continue et aussi parce que quand même on est motivé par notre envie de parler de réalité virtuelle, de jouer, de faire découvrir et de partager. Mais mine de rien, quand t'as de la reconnaissance un petit peu derrière, et ben ça fait toujours plaisir et voilà, c'est cool. On en a besoin, donc continuez comme ça. Maintenant. Et il y a un petit truc aussi, c'est souvent de temps en temps sur Discord, y en a qui voient passer, parce qu'on a des gens qui nous suivent, qui ont l'occasion de partir des fois en Asie ou partir un peu partout, et des fois ils vont voir un truc sur un site japonais et vont nous dire putain vous avez vu ça, et ils nous envoient des liens, et ça aussi c'est super sympa parce que des fois on arrive à trouver des petites perles pour faire un article. Donc si vous voyez passer quelque chose et que vous voyez que tiens, ça pourrait les intéresser, n'hésitez pas à envoyer sur le Discord. Nous, ça nous fait gagner du temps parce que du coup, on voit un truc, on dit tiens, c'est peut-être sympa, puis on peut faire un article derrière. Et vu qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est toujours bien d'avoir un peu d'aide de la part de tous. Exactement. Voilà. Laurent, tu vas garder la parole du coup. Et puis on va passer au... Est-ce que je peux dire les news en ce moment? Les newsinettes. Les newsinettes. Si tu peux dire les newsinettes. Allez, voilà. Ça. Newsinettes. C'est pas glorieux. Non, c'est pas ouf. Hein. Je vais commencer juste par un petit rappel. On a sorti un article cette semaine sur Unreal Engine 5.1. Donc, on en avait déjà parlé dans le podcast numéro 86, plutôt sur la fin du podcast. Donc, en fait, cet article reprend quasiment tout ce qu'on avait dit dans le podcast. Mais vu qu'il n'y avait pas de version écrite, du coup, on en a fait un article. C'est juste pour rappeler que Unreal Engine 5 va accepter Nanite et Lumen en VR. Donc, si vous avez vu le podcast 86, c'est peut-être pas la peine de le relire, mais si vous avez loupé quelques passages, voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Notamment, surtout, il y a des essais en VR de Nanite et de Lumen, surtout de Nanite, parce que finalement, Lumen, il faut avoir une carte de malade pour que ça tourne. Par contre, Nanite sur PS5, c'est quelque chose qui est plutôt qui est très probable et tout à fait réalisable sur une PS5. Lumen, c'est différent parce que des éclairages de ce type-là, il va falloir des grosses machines derrière pour vraiment pouvoir en profiter. Et donc il y a des petits essais sur l'article et on voit ce que ça peut donner et c'est assez surprenant et c'est très réaliste de voir la roche et de voir surtout quand il se rapproche des rochers de voir le moins de petits graviers, la moindre petite fourmi sur la roche, c'est vraiment balèze quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur Nanite. Ensuite, niveau com, on a fait un petit trailer la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Donc tout est parti en fait de cette rumeur qui parlerait d'une PS5 qui Sony aurait décidé de refondre totalement la PS5 en faisant un lecteur amovible. On sait tout part en fait de cette augmentation de prix. Globalement, on sait que la console a pris 50 balles. La PlayStation 5 coûte aujourd'hui 550 balles. Elle a pris 10% et la PlayStation digitale, elle est à 450 euros. Elle a pris aussi 50 euros. On sait que c'est quand même compliqué pour Sony vis-à-vis du prix du yen, donc du coût du yen qui est face au dollar. Ça fait à peu près un an qu'il est en chute libre. Donc en gros, sur les 5 dernières années, le yen a perdu quasiment 23% de sa valeur. Le souci, c'est que quand une entreprise japonaise construit une machine comme une console, il va acheter les composants à l'étranger, donc c'est de l'import, et du coup, cette dévalorisation du yen influe sur le prix des composants qui sont achetés, et c'est ça aussi qui fait augmenter le prix d'une console. Contrairement à l'inverse, quelqu'un qui va vendre un produit américain, par exemple, qui va être vendu au Japon, comme un iPhone, là, c'est pas pareil parce qu'on peut très bien avoir des moins 20 à moins 30% en achetant au Japon en ce moment à cause de la dévalorisation du yen. À savoir, Apple ont réagi et ont bloqué les visiteurs qui venaient au Japon juste pour acheter du matériel, donc on peut plus le faire maintenant chez Apple. Mais on parle souvent... putain, ils ont augmenté leur console, ces bandes de bâtards. Mais on ne prend jamais en compte cette partie, justement, des coûts, du cours de bourse qui influe sur des sociétés qui font des achats, reventes et qui se retrouvent avec des composants qui valent une blinde à cause de ça, en fait. Mmh. Donc, voilà. Donc, pour partir de tout ça, c'est de là, à mon avis, qu'est venue cette rumeur. Alors, la rumeur, je ne sais pas exactement qui l'a balancée, mais en tout cas, elle est tout à fait crédible et plausible, qui partirait du fait que Sony voudrait arrêter les deux chaînes de fabrication de la Digital Edition et de la Standard Edition pour faire une seule console qui serait fabriquée sur une seule chaîne de production, donc réduction des coûts, parce qu'il n'y aurait plus deux chaînes de production, donc on n'en ferait qu'une seule. Et qui aurait un lecteur amovible. Alors déjà, on ne sait pas trop comment ce lecteur amovible va se présenter. Et c'est là qu'il y a toute la question. Parce que, enfin, pour moi, parce que Majo, je crois qu'il n'est pas tout à fait d'accord, pour moi, c'est là qu'il y a vraiment toute la question de savoir si ça va être une PS5 qu'on connaît déjà, avec une prise USB en plus derrière, et on va avoir un lecteur amovible, comme on connaît, quoi, les petits trucs carrés, avec un fil qu'on va brancher derrière. Et dans ce cas, eh ben, pour moi, ça ne sera pas terrible parce que finalement, eh ben, on va se retrouver avec une console, avec un truc encore derrière branché. Un truc comme ça. Et puis, dans un meuble télé, oui, voilà, c'est ça. On le voit bien, mais... Ça. Là, c'est flou, mais c'est ça, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, ce type de boîtier, mais je dois en avoir un. Pour ceux qui nous écoutent, du coup... Oui, pardon, donc je suis en train de montrer un lecteur mobile, super. Voilà. Exactement. Donc, pardon. Donc, la plupart, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont balancé clairement que c'était une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que si tu arrives à réduire une chaîne de production, tu arrives à réduire les coûts, et en réduisant les coûts, en plus, tu arrives aussi à répondre à la demande en sortant plus de consoles, parce que forcément, tu n'as plus deux chaînes de fabrication. Donc, ce côté-là serait bien, parce qu'il y aurait plus de consoles. Alors en même temps que cette rumeur, parce que c'est de là que tout part aussi, qui est très très important, c'est un petit détail à la con, mais c'est super important, c'est que cette PS5, à la fois elle aurait un lecteur amovible, mais en plus son processeur CPU-GPU serait gravé en 6 nanomètres. Là pour l'instant la PS5 il est gravé en 7 nanomètres. En gros, ça veut pas dire que la console sera plus puissante, parce que la puce sera plus petite, en fait. Donc elle dégagera la même puissance, mais elle sera gravée de manière plus fine. Donc la puce plus petite, moins de silicium, et surtout le plus important, c'est qu'elle chauffera moins puisqu'elle est gravée en 6 nanomètres. Ouais, et puis meilleur rendement à la production aussi. C'est ça. Et tout déboule de ce 6 nanomètres, en fait. C'est le fait que la puce soit plus petite, ça coûte moins cher à fabriquer. C'est pas complètement vrai, parce que vu que c'est une technologie 6 nanomètres, la technologie 6 nanomètres est plus chère. Par contre, c'est tout ce qui est induit derrière, tout ce qui est derrière, qui est en conséquence, c'est que la puce plus petite est aussi puissante, mais plus petite. Elle chauffe moins, donc on n'a plus besoin de ce méga radiateur qu'on avait vu, que j'ai mis dans l'article, qui a déjà changé une fois. Un énorme radiateur en cuivre, et après ils ont mis un radiateur plus petit en aluminium. S'ils arrivent encore à réduire ce radiateur, ça veut dire que ça va influer sur la taille de la console. Donc en fait, ça diminuerait également la taille de la console. Et si la console est plus petite, les packages sont plus petits. Le coût de l'envoi sera moins cher, le coût du stockage sera moins cher, et en gros, ce petit changement de 6 nanomètres influe sur toute la chaîne de production pour réduire les coûts, en fait, mais de façon importante. Mmh. Donc l'idée, à mon avis, ce serait, le bon côté du truc, ce serait que, le mauvais côté, c'est Majo qui balancera, je pense. Le bon côté du truc, ce serait d'arriver à la fois répondre à la demande. Aussi, donc il y a toujours tout à l'heure je parlais de cette dévalorisation du yen qui du coup pénalise le Japon, bien que c'est quand même une entreprise américaine qui est gérée avec, mais ça reste une entreprise japonaise, hein, niveau des actions c'est les Japonais, c'est l'État japonais qui est derrière, Sony, et du coup eux, ce qui les embête réellement, parce que jusqu'à présent, Sony, depuis la PlayStation 1, au bout de 2 ans, on a plutôt l'habitude de voir les consoles baisser de prix, avec des PS1 Slim, des PS2 Slim, qui sont moins chères. Et là, c'est la première fois depuis l'histoire de PlayStation qu'on a une augmentation de consoles, d'autant plus 2 ans après sa sortie. Donc c'est vraiment la même console en plus. Hein. C'est pas une nouvelle version, de la même c'est console. De la même console. Et on n'a jamais été habitué à ça. Donc voilà pourquoi il y aura ce changement. Donc officiellement, c'est principalement pour ça. Et l'autre coup, la manière officielle. Ça pourrait influer. Voilà. Mais disons que c'est, à mon avis, la version officielle. Ça c'est sûr que c'est une des raisons. Après, il y a peut-être une autre raison cachée, on va en parler après. Mais celle-là, c'est sûr que s'ils font ça, c'est pas pour rien, c'est pour réduire les coûts. Ça, c'est oui, clair. C'est pour là, de toute façon, c'est pour maximiser la production et aussi les coûts de fabrication. C'est ça, parce que le 3 février 2021, déjà, il y avait eu le rapport du troisième trimestre 2020 qui avait été publié. Et déjà là, la PS5 était vendue à perte. Donc à perte, ça veut même pas dire qu'ils gagnent de l'argent, ça veut dire qu'ils perdent de l'argent sur chaque PS5 vendue. Donc eux, de toute façon, et puis l'autre problème, c'est bien sûr Microsoft qui a sa série X qui est à 50 balles moins chère maintenant, vu qu'ils l'ont augmenté. Et bien sûr, et ben les Japonais savent très bien que s'ils veulent survivre sur le marché... La série S, ouais. Et la série S, c'est autre chose parce que face à une PS5, c'est pas vraiment... Cher que... Ah oui, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes machines, c'est pas pareil. Oui, mais t'as les mêmes jeux en plein. Voilà, mais dans la tête des gens... Une digital édition, ça reste quand même une série X sans lecteur de disque. Lolo, dans la tête des gens, avec une cross-gen qui perdure, la série S, finalement, elle fait le travail. Hein. Oui, mais si tu dis à un joueur Xbox qui peut avoir une série X sans lecteur, là, on aura le concurrent de la digital édition. Oui. La série S, elle n'est pas pareille. Elle est un petit peu... Elle est décalée. C'est pas vraiment une concurrente à la Digital Edition. Ouais, mais dans la tête des gens, ça reste la nouvelle génération Xbox de console. Ah oui, oui, mais... Avec... un joueur qui... Oui. Un joueur c'est important. Qui regarde alors, c'est sûr que... Un joueur qui ne fait que du Fortnite, il s'en contrefiche d'avoir une série X. Un autre qui veut peut-être des trucs un peu plus vitaminés, il sera peut-être plus regardant. Quoique, je ne sais même pas s'il y a une grosse différence, mais bon, parce que ça gueule pas mal d'ailleurs sur la toile. Ouais, c'est une grosse One X. Ouais. Voilà. Et surtout, ce que Sony voudrait faire maintenant, à mon avis, c'est quasiment sûr, c'est de ne pas rester dans cette situation inconfortable d'avoir une console 50€. Alors non seulement ils ont pas forcément le Game Pass, en plus on sait qu'il y a toutes les critiques qu'il y a sur les jeux qui sont à 80 balles et tout ça, et en plus maintenant la console est 50 balles plus chère, donc c'est quasiment sûr que l'objectif de Sony c'est d'arriver à se restabiliser sur un prix de l'ancien prix, donc de 499,99 pour se remettre face à la série X, parce que là de toute façon il y a Noël qui s'approche et je pense qu'ils vont en souffrir. Tu penses que ça va être pour Noël, enfin ce Noël là mais qui commence vraiment à se rapprocher dangereusement, qui vont pouvoir parce qu'elle serait déjà annoncée à mon avis. Il me semble que ça fait peut-être partie est-ce que ça ferait pas partie du restock parce qu'ils ont annoncé quand même pour l'année prochaine près de 30 millions de consoles disponibles sur 2023, ce qui est énorme étant donné qu'ils en ont vendu que 20 entre 20 et 25 là aujourd'hui en 2 ans, donc ça me paraît quand même assez fou comme chiffre. Donc est-ce que ça viendrait pas de là aussi, du coup, s'ils ont les deux chaînes de fabrication qui fabriquent le même modèle, ça pourrait expliquer qu'ils aient une prévision aussi élevée pour l'année prochaine. De toute façon, tout est lié, hein, parce qu'en plus ils ont l'air d'être complètement certains qu'ils vont arriver à répondre à la demande cette fois. Donc pour moi c'est un truc qui va débouler. La vraie question c'est justement de savoir est-ce que ce sera la même PS5 qui aura juste une prise USB supplémentaire à l'arrière et un lecteur, comme on a montré tout à l'heure, un lecteur carré avec un fil. Ou est-ce qu'ils vont repenser la PS5 à la manière d'une PS5 Slim, qui sera redesignée et qui aura peut-être une intégration un peu plus sympathique de ce lecteur pour faire un bloc compact plutôt que donc en interne, ouais, parce que... Avec un rack ou plutôt voilà plutôt que d'avoir un truc qui se branche comme ça. Voilà, c'est la vraie question, elle est là. Le vrai débat, il est là, voilà, exactement. Est-ce que ça sera un truc dégueulasse ou est-ce que ça sera un truc intégré de manière propre et fluide, juste à la même manière sur toutes les consoles, quoi. Juste pour revenir, du coup, t'as fait un concept de cette nouvelle supposée console. Qui est quand même bien moins dégueu que la PS5 concept. Oh. bien moins dégueu que la PS5 qu'on connaît maintenant. Il aime pas. Non, je l'aime pas. Non, je la trouve trop exubérante. Elle est massive, mais elle est jolie. Ça va. En plus, elle est grosse. Elle est. Voilà, alors... Oui, grosse. Ah oui, elle est grosse. Excuse-moi. Attends, elle est aussi grosse que ma télé. donc. Oui, vert for player, grossophobe. Non, absolument pas. Il m'a fait peur quand il a dit elle est aussi grosse que ma. Mais bon. Il y a Maggio dans l'équipe, on n'est pas grossophobe. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, vous pourrez le voir à la Paris Games Week, du coup. C'est pour les quotas. Voilà. Non, mais franchement, les concepts, moi je la trouve vraiment grave plus classe que la PS5 existante. Hein, donc voilà, on espère en tout cas. Que ça pourrait ressembler à ça. Ça serait pas déconnant. Alors, en admettant qu'ils fassent une PS5 Slim qui soit plus petite, parce que c'est le but, hein, qu'elle soit plus petite, s'ils ont mis une puce 6 nanomètres, comme je vous ai dit, c'est pour réduire, on réduit tout ça, pour réduire les coûts, pour réduire le stockage, pour réduire les expéditions également. S'ils font ça plus petit, moi, j'y crois pas pour Noël. Ou alors, on va avoir la surprise à la Paris Games Week, ils vont présenter un nouveau modèle ou un showcase qui va débouler comme ça pour novembre. J'y crois trop pas. Et boum, il y a la nouvelle qui déboule. On risque d'avoir des surprises, mais pas celle-là, mon ami. Non. Avec Sony, je sais plus quoi croire aujourd'hui parce qu'ils sont capables de balancer un truc du jour au lendemain. Donc, par contre, si c'est un pauvre lecteur, mais j'y crois pas. Moi, je crois pas en ça. Je crois pas à ce lecteur qui se branche derrière parce que je vois rien que moi à la maison. La PS5, elle est derrière ma télé, donc elle est en position verticale. Ah, tu la caches. Le lecteur, je sais même pas où je. Non, elle est derrière la télé, et puis elle est juste sur la tranche. Mais quand tu arrives dans la pièce, tu vois que ça. Tu vois que ma PS5. Il a un mausolée. Que la porte ouverte. Ouais. Avec des petites loupiottes autour. Ouais. Et des bougies. Ok. mais disons que moi, ce lecteur, je ne serais même pas où le foutre. Enfin, je m'en fous parce que j'ai une standard édition. Mais j'imagine ma PS5 qui tombe en panne et je me retrouve avec un truc, avec un fil. Et puis un pauvre lecteur qui va être foutu, je ne sais pas où, sous ma télé. Ou ceux qui ont même des meubles qui vont avoir le lecteur. Ah putain, il est passé où ce machin, je ne peux pas mettre mon disque. Il est derrière le meuble. Qui pend au bout du fil. Ça va être. Ça va être une grosse merde. Donc c'est pour ça que j'y crois pas. Design, au niveau du design et au niveau de la fonction pratique, je trouve que c'est complètement débile de faire un truc pareil. Et puis surtout que ça ressemble pas à Sony. Mais c'est possible, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'elle pourrait débouler beaucoup plus vite que prévu avec juste une prise USB à l'arrière. Ou pourquoi pas une prise USB un peu plus bas et quelque chose qui se clipserait dessus, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, la vision que nous on avait, c'était un truc plus designé à la manière de Sony, un truc plus petit, plus intégré. Donc on vous invite à aller faire un tour voir le concept trailer qu'on a fait. Ça fait poser d'autres questions. L'idée est bonne. Par contre, un peu moins. Ça fait poser d'autres questions qui sont un peu moins bonnes. C'est que à partir du moment où on a un lecteur qui peut se détacher, alors moi, il y a plein de trucs qui m'embêtent là-dedans. C'est que de toute façon, là, du coup, si on n'a qu'un seul modèle qui est fait en grande quantité, les scalpers ne vont plus avoir le poids qu'ils avaient. Ils ne vont plus pouvoir, parce que ça va arriver en masse, ils vont peut-être arriver à en produire 2 ou 3 millions d'un coup. Par contre, les scalpers, ils vont s'attaquer directement à ce lecteur qui sera amovible, qui sera indépendant. Parce qu'ils savent très bien qu'au niveau des chiffres, la standard édition, si au niveau des ventes, il s'est vendu 70% de standard édition et 30% de digital édition. Donc il y a quand même 7 joueurs sur 10 qui ont pris la standard édition. Et si ça continue sur cette optique-là, les mecs ils vont peut-être même aller acheter pour Noël sans réfléchir la seule qu'il y aura, donc la digital édition. Et ils vont se jeter sur ce lecteur. Mais ce lecteur, les scalpers vont s'y jeter dessus. Et si en plus, on imagine que Sony pourrait en produire un peu moins juste pour vendre plus de digital et vendre plus de PS Store plutôt que des jeux physiques, alors là, ça pourrait devenir assez pénible parce que du coup, ça serait, dans ce cas-là, ce serait Sony qui serait en train d'imposer le tout digital aux joueurs plutôt que ce soit les joueurs. Et ça inverserait cette tendance des 70%, 30%. Et là-dessus, j'aimerais avoir l'avis de Majo maintenant là-dessus. Sur sujet. Je vais pas donner raison à Lolo parce que lui il est plus optimiste que moi, mais moi le seul fait en fait que je retiens de ça, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la marque que la version physique et avec disque est mise au second plan. Deuxième voilà. fois. C'est la deuxième ah bon fois. Ouais. C'était quand la première? Ah oui, la PSP, la c'est vrai. PSP Go. Go. Qui a ouais, fait un four ouais, d'ailleurs. Alors, elle n'était pas mise au second plan, mais c'est que tu avais deux modèles. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle PSP classique était déjà assez vieillissant. Je crois que ça faisait au moins 3 ans qu'il était sorti. Ils ont sorti la PSP Go, mais vraiment, ils ont mis tambour et trompette pour l'annoncer et puis pour la mettre bien en avant au niveau marketing. Et le truc, en fait, qui l'a acheté? Non. Bah personne, parce personne. Qu'à l'époque, Internet n'était pas autant développé qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Puis surtout, il y avait tous les revendeurs physiques, les Micromania et compagnie, qui s'étaient opposés à ça et qui ne vendaient pas la console dans les stores. Quoi. Donc, c'est-à-dire que même là-dessus, il y avait quand même eu un gros boycott. Aujourd'hui, ça, c'est des choses qui n'existent plus et qui, avec le modèle économique qu'on a, donc justement du démat. Sont plus compliqués à contrecarrer. Mais ils ont déjà essayé. C'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont déjà essayé. Ouais. Mais enfin, c'est quand même pas pareil. Enfin, pour moi, l'échelle n'était pas la même. Ça reste effectivement un essai, mais oui, c'est vrai que c'est pas. La PSP, on peut pas dire que c'est la première fois. Mais la PSP, c'était quand même un gros succès. Hein. Faut pas dénigrer ça. Hein. C'est-à-dire que la PSP, même si c'était pas non plus le succès des consoles de salon, au Japon, c'était une institution, hein, vraiment. Donc le fait qu'ils aient essayé de mettre une console digitale directement en portable, parce que c'était plus simple, parce qu'aussi ils pouvaient vendre des memory sticks directement où ils étaient propriétaires. Ouais, et puis il ne faut pas oublier non plus, c'est une portable. Donc, ils ont essayé de niquer le game, hein, carrément. Mais là tu vois, je vois encore un intérêt plus grand, c'est-à-dire que tu te trimbales pas avec une valise avec tous tes jeux quand tu veux jouer, quoi, tu vois. Ça reste dans le domaine du normal pour une console portable, tu vois ce que je veux dire? Que là, on est sur quelque chose de physique, donc encore une fois, t'es à la maison en général, enfin tu te trimbales pas avec ta console dans la voiture, quoi, tu vois. Donc par contre, pour une console de salon, ouais, c'est la première fois que le physique est mis au second plan, et pour moi, ça veut quand même, pour moi, c'est un énorme message qui est passé, c'est que c'est plus une priorité. Voilà. Très clairement, on est capable de se passer du physique pour faire des économies au niveau de la prod. Et puis, on va pas se leurrer. De toute façon, on en a déjà parlé il y a 3 semaines, ou il y a un mois, où j'ai acheté Kingdom Hearts 3, que j'ai payé 8€, là où il est à 70€ sur le store. Donc, faut pas se leurrer. Même s'il y a des promos assez régulières sur beaucoup de jeux, ils se font quand même plus de marge sur les jeux vendus sur le store que sur les jeux vendus en physique. Bah oui. Et ça permet aussi d'enrayer ce dont on parlait, le marché de l'occasion. Donc, si vous n'avez plus d'occasion, ça fait, on va dire, un marché parallèle qui n'existe plus. Donc, ça oblige les gens à acheter du neuf s'ils sont intéressés par un jeu. Et dernière chose... Je vous ai partagé à tous là l'autre jour, alors je me rappelle plus qui c'était, la cour d'appel a statué contre la revente d'occasion des jeux dématérialisés sur Steam. Donc ça veut dire que là-dessus, on n'est pas non plus prêt d'avoir une évolution. Ils ont statué contre la revente des jeux dématérialisés. Ah oui. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là-dessus, l'occasion en démat, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est mort. Donc, ça veut dire que... C'est mort, c'est pas pour tout de suite, c'est pour jamais, là. Donc c'est un moyen de d'enrayer ça, et puis ce qu'on va nous répondre de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, il y a les PS Plus Collection et PS Plus Premium et Game Pass... pour les gens qui justement voulaient acheter de l'occasion ou qui veulent faire des jeux qui sont sortis plus tard, mais qui ressortent plus tard donc dans ces formules d'abonnement, et puis donc ça va générer de l'abonnement, mais encore une fois, c'est nous faire changer de système économique, voilà. Et moi, ça me en tant que vieux con autoproclamé depuis pas longtemps, ça me va pas, voilà. C'est quelque chose qui je trouve fait tourner une page, et puis moi j'ai pas envie de tourner cette page parce que j'ai toujours envie d'avoir mes CD, même si on va dire que le CD ça reste quelque chose de comment dirais-je, où tu mets juste ton disque, ça va t'installer le jeu, et puis dans tous les cas t'es obligé d'installer le jeu, et puis juste le fait de faire tourner le CD, bref, c'est pas grave, le jeu il est à moi, les chez moi, le jour où j'aurai envie d'y jouer dans 10 ans, si ma console fonctionne toujours, ben, j'aurai pas besoin d'attendre que, enfin, ou d'espérer que ça reste encore sur le store. Enfin voilà, c'est toujours pareil. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un moins. Voilà, c'est quelque chose qu'on nous enlève. Et c'est pas. Ça n'a jamais été le cas aujourd'hui pour une console de salon, et moi je trouve ça triste. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, Majo. Maintenant, je suis un vieux con aussi à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire que moi je tiens aussi au patrimoine du jeu vidéo. Je tiens vraiment à la possession physique des jeux, mais ça, comme tu disais avec à juste raison, c'est que c'est une façon de penser vraiment de vieux joueurs, clairement. Depuis la PS3 et la Xbox, la première du nom, il y a certains jeux en fait qui sont sortis, qui ne peuvent pas fonctionner, qui sont bloqués si tu n'as pas le patch Day One. Le truc c'est que si les consoles par exemple comme la PS3 ne sont plus mises à jour et si les serveurs des jeux PS3 ne sont plus actifs, tu peux plus jouer à tes jeux. Tu pourras avoir ta boîte. Tu pourras plus jouer à ton jeu. Tu prends un jeu comme, par exemple, le jeu, c'était Rockstar, je crois que c'était le truc avec les visages réalistes, là, comment ça s'appelait je sais plus, là. Ah, oui, la mafia. Elle est noire. Merci. Elle est noire. Merci, Lolo. Et ce jeu-là... Sorti en VR, d'ailleurs. Voilà, mais dans une autre version. Mais si tu l'as en boîte sur PS3 ou sur Xbox 360, en fait, tu le mets dans ta console, tu peux pas finir le jeu, en fait. Si t'as pas le patch Day One, si tu n'as pas les serveurs, tu peux pas l'utiliser. Donc, moi, ce qui m'emmerde d'un côté, c'est le côté patrimoine un petit peu du jeu vidéo, c'est-à-dire laisser des entreprises comme Sony, Microsoft, Stadia, ou des trucs comme ça, justement, qui gèrent un petit peu les catalogues à la Netflix, à la Amazon, à la tout ça, et qui du jour au lendemain en fait peuvent virer de leur catalogue un jeu, et ça m'emmerde de pas pouvoir le retrouver justement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 mois, parce que j'aurais encore envie d'y jouer. Là, quand tu vois le turnover justement sur le Game Pass, et ben franchement, ça m'interroge à chaque fois. Mais après, ça leur va bien parce que quand tu vois la politique de remaster qu'on se tape en ce moment, désolé, là encore The Witcher 1 quoi. Et ça aussi, c'est une politique, aussi qui est très Sony-esque. Là, tu parles de CD Projekt. Mais pour finir, si tu as ton jeu physique, si tu n'as pas ta console avec le patch installé sur ta console pour mettre ton jeu physique dedans, si ta console, tu la formates, ton jeu physique, c'est terminé. Tu peux pas y jouer. Ou tu peux pas y jouer dans les conditions optimum. Ou si la pile de ta carte mère tombe, enfin. Ou si la pile de ta cartouche Super NES est plus bonne. Non, mais il y a eu le problème. Oui, c'est ça. Je crois que c'est sur les PS3 où ils en ont parlé il y a pas longtemps. Où justement, il y avait des consoles ou les PS2, je sais plus. Il y avait des consoles où la pile était morte et au changement, tu pouvais plus la faire fonctionner parce que, comme tu dis, il manquait. C'est pour ça. Je suis drastiquement. Cette version mise à jour. Je suis vraiment d'accord avec toi dans le fond. Maintenant, dans la forme et dans les faits, je pense qu'on est baisé depuis 15-20 ans, quoi. Facile. Hein. Mais on est vraiment. Enfin voilà, les dés sont jetés depuis 15-20 ans. Vraiment. Peut-être. C'est mon avis pessimiste, hein, peut-être là-dessus, hein, sur cette histoire-là, mais. J'ai niqué l'ambiance un peu, je suis désolé. Moi je suis plus optimiste que vous sur ce sujet parce que celui qui a balancé ça quand même c'est Tom Anderson. Donc en fait il vient d'ouvrir un site internet d'Insider qui s'appelle Insider Gaming et à l'occasion de la création de ce site Insider Gaming il a balancé son premier scoop et ce premier scoop c'était qu'il allait avoir un nouveau modèle de PS5 qui était prévu pour septembre 2024 et qui aurait justement un nouveau châssis, donc on repense la console, on n'est pas en train de penser du tout à une PS5 qui aura une prise USB derrière, on zappe ça, un nouveau châssis et justement un lecteur amovible. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce lecteur amovible? Moi perso je vois pas ça comme ça. Je pense qu'ils vont faire des réductions de prix et ils vont vendre parce que en plus ça a été annoncé aussi, donc pour l'instant c'est de la rumeur, c'est pas mais dans la rumeur il y a également aussi Tom Anderson a également parlé qu'il vendrait deux bundles, un bundle avec le lecteur et un bundle sans le lecteur. Donc on se retrouverait avec la Digital Edition et la Standard Edition dans des boîtes. Et du coup, ça ne changerait rien à nos achats parce qu'on achèterait toujours la version physique avec le lecteur et la version digitale. La seule différence, c'est que vu qu'à l'intérieur, il y aura la même console, ça coûtera moins cher. Si c'est ça, moi perso, ça ne me dérange pas. Et on ne reviendra on ne reviendra pas sur le fait que plusieurs articles ont parlé de la PS5 Pro. Ah mais elle arrivera, elle, c'est sûr. Bah, elle arrivera, mais pas tout de suite, quoi. Je veux dire, on n'a même pas encore. Là, maintenant, ça serait un peu bête. Qu'utilise la PS5, enfin les capacités de la PS5, c'est pas pour avoir une PS5. Et puis avec les deux ans qu'on vient de passer, il y a encore des gens qui essayent d'avoir une PS5, donc vendre une PS5 Pro maintenant, ça serait ridicule, quoi. Là, je pense qu'on parle de la Slim, en fait, hein, en septembre 2024, qui va arriver quand même. Elle est sortie quand, la PS5 ça fera 3 ans plus tard, quoi. Putain, 3 ans. On aura une Slim. On le répète, donc, mais c'est quand même vraiment la calamité, un petit peu, cette génération de consoles-là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Ouais. Mais pour finir mon raisonnement, du coup, 80% de jeux vendus en démat contre 20% ou 70-30 ou 80-20 en version physique, quoi. Donc, ouais. De toute façon, oui, mais à terme, c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens demandent. Oui, le pouvoir de la flemme. C'est pas forcément le pouvoir de la flemme, hein, de pas c'est avoir pas forcément vrai. Merci, Sey. Non, mais c'est vrai. À mon avis, c'est une erreur de mettre dans le même panier des joueurs qui ne jouent qu'en dématérialisé, ce qui est de plus en plus fréquent et ce qui est vrai de toute façon, et par contre du matériel qui lui serait forcé, on va dire, qui forcerait le démat pour la simple et bonne raison que la PS5 est rétrocompatible avec la PS4 et que les gens sur PS4 Il y en avait plein qui avaient des galettes, même ceux qui jouaient. Mais les premiers qui ont commencé à acheter que du démat, ils ont quand même chez eux des jeux PS4 dans des tiroirs. Et tous ces gens-là, tous ces joueurs, ils ont hurlé pour avoir la rétrocompatibilité de la PS5. Et là, on va leur dire, eh ben, ta rétrocompatibilité, tu te la fous dans le cul, parce que tu auras une digitale imposée. Et ta PS5, ben, tous tes jeux que tu as de PS4 dans tes placards, tu pourras même plus y jouer. Et c'est là où c'est complètement incohérent. Ça sera pour la prochaine génération. Ah, alors là, par contre, on est d'accord. La PS6, à mon avis, ce sera. La PS6 et la prochaine Xbox, elles n'auront plus de lecteur optique. C'est pour ça que je te dis que c'est une manière d'amorcer le truc, quoi. C'est un test, c'est un petit coup de vaseline avant de te la mettre, quoi, en gros. Franchement, enfin, pour imaginer un petit peu tout ça. Là où je rejoins Majo, c'est le cas de figure où on verrait que Sony produise, je sais pas, je dis n'importe quoi, allez, il balance 10 millions de PS5 en production et il te balance 5 millions de lecteurs optiques supplémentaires à côté. Et que au final, les scalpers, ils savent que les scalpers vont se jeter sur les lecteurs. Et après, ils disent, ah ben, on n'y est pour rien, c'est les scalpers qui ont bloqué le lecteur. Et que du coup, les gens, ils achètent par répit une digital édition pour Noël. Par dépit, ils achètent une digital édition pour Noël, le lecteur en verra plus tard, et puis qui finalement l'achète jamais. Voilà, et qui ils se disent qu'ils se retrouvent coincés. Le démat, c'est pas mal finalement. Merde. Y a pas besoin de se lever. Et ben après le mec, il y a un God of War qui sort, il va se dire putain mon God of War, moi je le voulais en physique, mais je peux pas parce que j'ai pas mon lecteur physique. Et ben il va l'acheter à 80 balles sur le store. Voilà. Et puis un jeu sur le store c'est 30% pour Sony, alors qu'un jeu physique, même s'il est acheté Day One, c'est 24%. Je vais remettre 100 balles dans le bastringue, mais vous trouvez pas que le lecteur physique de la PS5, il est ultra bruyant? Moi, la mienne, franchement, elle fait vraiment un bruit monstrueux. Ah, tu l'as rallumé? Oui, je l'ai. Non, enfin, c'est ma femme qui l'a rallumé. Sans faire exprès, elle a fait la poussière, elle a appuyé sur le bouton. Pour mettre des DVD de Choupi dedans, parce qu'il n'y a pas de jeu. Et donc, du coup, il y avait un bruit de fou, quoi. Quand il se lance au démarrage, oui, après, tu l'entends plus. Ouais, ça va, ça dure beaucoup moins longtemps que sur la PS4 Pro quand même. Et ça dépend des galettes aussi, parce que t'as des épaisseurs, je sais pas comment ils se débrouillent, mais il y en a qui ont des épaisseurs d'impression, et je sais qu'il y a certains jeux qui font un boucan d'enfer, je sais plus lequel, FIFA 22, le mien, il fait un boucan pas possible. T'as FIFA 22 toi? Bah ouais, ma fille est fan de foot. Bon, et bien merci du coup, à dans 2 semaines, on va arrêter cette émission. Non mais continuez à être mes copains, s'il vous plaît. Je vous jure, c'est pas moi qui l'ai acheté. T'as vu, il y a Call of qui va sortir sur PS5, malgré le rachat d'Activision. T'avais été content ou pas? Il y a plein d'images placardées partout en ville. Oui, il y a une grosse campagne de pub, mais Call of, moi, c'est pas ma tasse de thé. Je comprends qu'il y en a qui... Enfin, je pense que mon fils, par exemple, devrait aimer ce genre de truc. Donc, mais d'accord. Moi, donc ta fille, c'est FIFA, et ton fils, c'est Call of. Ok, voilà. Ça marche. Bah, c'est-à-dire non, mon fils, c'est Ark. Ark Survival. C'est-à-dire que Call of, pour des joueurs comme nous, à raison de un par an, on a déjà vu au moins 30, quoi. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, du coup, sur la question, mon petit Lolo. Je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps dessus. Pour moi, ils vont garder les deux bundles et puis voilà. Et puis ça offrira. Alors si on voit le vase à moitié plein plutôt que le vase à moitié vide, on peut se dire qu'il y aura deux bundles et tous les gens qui n'auront pas pu acheter la standard édition avec la digital édition plus le lecteur dans la même boîte. Eh ben, ils pourront un jour se dire, putain, j'ai fait une merde, j'ai fait une connerie, où mes parents sont plantés, ils m'ont acheté une digital édition. Pas grave, je peux acheter le lecteur en plus et avoir ma... Donc finalement... Et quand on sait quand même que le chiffre de la PS5, c'est 70% de standard édition et 30% de digital édition, je pense qu'il ferait une énorme connerie d'essayer d'imposer le digital édition maintenant. Sur la PS6, ça passera crème parce que les gens, il y aura le cloud qui arrivera, le cloud. et après peut-être que les mentalités vont évoluer, mais à mon avis là c'est beaucoup trop tôt et là ils risqueraient de se prendre un retour de bâton mais sévère. Là, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à baisser les prix parce que Xbox en face, ils vont les atomiser s'ils restent avec une console à 50€ plus cher. C'est clair. Donc voilà. Dans la tête des gens, c'est vrai que c'est très important. Ça, c'est super important. Ouais. Ensuite, nous allons passer à la suite. Hubris. Oui. On n'a pas parlé d'Hubris. C'est très bien, Hubris. Donc, un jeu, on en avait déjà parlé il y a 2 ans, qui avait été annoncé par le même studio. C'est un studio belge qui est d'Anvers, qui s'appelle Cyborn 3D, le studio. Et donc il avait annoncé il y a 2 ans déjà que son jeu Hubris, c'est un jeu épisodique qui allait sortir sur PSVR et sur PS4, et puis on l'a attendu et puis il n'est jamais arrivé comme beaucoup. Et puis il y a cette même logique de jeu VR où on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils ont quand même remarqué que le PSVR était quand même en fin de vie et qu'ils ont certainement vu, quand on voit Hubris, quand on voit la bande-annonce, on se rend bien compte que sur un PSVR avec une PS4, je pense que ça aurait été un carnage. C'est pas possible. Ça me rappelle le jeu de Sian qui était superbe aussi. Je sais plus lequel. Ah, j'ai bouffé le nom. Donc Sian Myst et toute la clique, celui qui était sorti sur PSVR. La bande-annonce était magnifique. Le jeu est sorti, c'était un carnage. Obduction. Obduction, exactement. Et donc, ils font partie de ces studios qui ont dû se rendre compte que de toute façon sur PSVR c'était pas possible et qui ont carrément annulé la version PSVR pour le porter sur PSVR 2. Et ils viennent de l'annoncer parce que à l'occasion de l'annonce du studio Cyborn 3D qui vient d'annoncer Hubris sur PCVR qui sortira le mercredi 7 décembre 2022, ça arrive. À cette occasion, ils ont annoncé le prix également du jeu qui sera de 39,99€. 40 balles, quoi. Et ils ont également annoncé qu'ils sortiraient sur MetaQuest 2, sur PlayStation VR 2, et d'autres plateformes non annoncées seront disponibles en 2023. Donc le MetaQuest 2, le PlayStation VR 2 et les autres, ça arrive tout en 2023. Pour l'instant, c'est que la version PC qui arrive le 7 décembre 2022. Et donc, Hubris, c'est un jeu, on va dire que c'est un jeu de survie. Ouais. On se crache sur une planète. Je peux en parler. Je peux en parler. Style. Parce que j'en ai. Ouais. Ah bah oui. J'avais essayé la démo sur PC. J'en avais parlé il y a quelques émissions de ça. J'avais fait les captures. D'ailleurs, les captures que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube, ça sera exactement le même passage que la démo qu'il y a eu il y a quelques mois. C'est un jeu qui est absolument magnifique, vraiment. On peut pas le mettre en défaut sur ses graphismes et sur sa partie technique. Au niveau des visages, au niveau des animations, au niveau des décors, au niveau de la profondeur de champ, au niveau des textures, au niveau de la flotte, au niveau même des mouvements en fait du personnage et de la façon dont tu te déplaces. Franchement, c'est agréable. Les animations sont balèzes. Tout est agréable, tout est peaufiné au poil de cul. C'était vraiment un plaisir de le découvrir. Et du coup, oui, effectivement, c'est un jeu d'aventure, aventure un petit peu de craft, parce que c'est vachement dans l'air du temps de faire du craft. Et puis voilà, c'est un jeu couloir, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir des passages un petit peu plus ouverts et d'autres passages bien plus couloirs, avec donc des choses à construire pour pouvoir avancer dans le niveau. Des phases de shoot, bien évidemment, des phases d'énigmes, des phases qu'on n'a pas pu encore essayer dans cette démo, comme par exemple conduire des véhicules. Et voilà, franchement, un jeu, comme je disais il y a quelques émissions, quand j'ai fini la démo, j'étais dégoûté, je voulais vraiment voir la suite. Et pourtant, dans une démo, en général, je m'investis pas trop, en fait, j'ai pas trop... Enfin, je me dis que, voilà, soit j'arrive pas à la fin de la démo carrément, parce que... De toute façon, c'est pas la peine de continuer parce que c'est pas le jeu entier. Là, le jeu, en fait, quand je suis arrivé à la fin de la démonstration, j'étais un petit peu dégoûté parce que j'avais vraiment envie de voir la suite. Donc celui-là, le fait qu'il sorte sur PSVR 2, donc du coup avec forcément une meilleure optimisation au niveau des graphismes avec l'eye tracking du PSVR 2, avec les retours haptiques, avec peut-être aussi le FOV qui sera un peu plus intéressant sur le PSVR 2 par rapport à mon Rift S. Je suis très pressé de l'avoir sur PCVR. Je pense que je ferai une preview. Il est à combien le Rift S en fauve? Je sais pas. En tout cas, il est plus petit que le... En tout cas, 100 degrés, non? En impression, en tout cas, il est plus court que le PSVR déjà. C'est-à-dire que tu as vraiment plus l'impression d'avoir un masque de plongée devant les yeux. Mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, je pense que voilà, je suis très très pressé de le voir sur PCVR. C'est dommage. 88 degrés. Que je vais pas le découvrir sur PSVR. Combien, quoi. Combien? 88 degrés. 88 degrés. 88. Ouais, ah oui, dis donc, oui, d'accord. C'est pas ouf. Visible. Après, visible, en diagonale, 102. Mais ça veut rien dire. En diagonale, ça veut pas dire grand chose. Vraiment, en impression, vraiment, t'es dans un masque de plongée. Mais bon, après, ça empêche pas d'en profiter. Hein. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire sur Obris, c'est vraiment très très cool, quoi. Non, et puis surtout, c'est un jeu qui est beau, donc ouais. Ça fait toujours plaisir à faire un article sur... Et puis, au niveau de la puissance, c'est ça qui était très intéressant, c'est que sur Steam VR, parce qu'il va bientôt arriver, on s'aperçoit que la carte minimum, je crois que c'est une 1080, et conseillée, c'est une 2070, et 2070, on va dire qu'une PS5, ça se situe entre une 2070 et une 2080 RTX. Donc du coup ben c'est un jeu qui peut être porté tel quel du PC au PSVR 2 à la PS5, donc c'est pas du tout c'est pas quelque chose qui posera souci aux développeurs, en fait, au niveau de la puissance on est bien, quoi. Le minimum en général sur Steam, c'est vraiment pour le faire fonctionner en low, c'est-à-dire avec les textures un peu plus baveuses, avec moins de détails, il n'y a pas d'éclairage volumétrique, de choses comme ça. La recommandée, c'est du medium. Et par contre, pour le faire tourner à fond les ballons en ultra, c'est pas la configuration recommandée. Hein. D'accord. Oui, mais après... Après, il y a de l'optimisation derrière, hein, sur les consoles. Hein. Donc, voilà. Exact. Et puis l'eye tracking, ce fameux eye tracking qui fait couler et qui fait parler aussi beaucoup de gens, c'est que y a un gain pour le GPU. Il faut pas oublier que la PS5, elle a aussi une puissance variable. Ce qui fait que si par exemple le CPU ne travaille pas beaucoup et que le GPU est à fond, on va pouvoir puiser de la puissance dans le CPU pour récupérer de la puissance. L'eye tracking, c'est quelque chose d'énorme qui va permettre des économies. Donc sans l'eye tracking, si on désactive l'eye tracking, techniquement le GPU de la PS5 peut faire tourner la version médium de ce jeu. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a l'eye tracking derrière qui va pouvoir aussi faire des économies qui seront quand même très... parce que là, on parle de 60 à 70% sur des pics. Sur des pics, une scène qui est vraiment très active, on peut économiser 70% de la puissance du GPU. Donc, ils vont pouvoir pousser encore plus loin grâce à ça. Donc, pour moi, c'est un jeu qui est parfait pour le PSVR 2, en fait. Exact. En tout cas, on a hâte. Alors, oui, Majo. Je vais juste revenir sur le gameplay du jeu, parce qu'on a vu aussi... je vais te tacler, ça y est, du coup... On a vu quelques-uns s'interroger sur le fait qu'il avait l'air plus beau que bien. Il y a quand même beaucoup de gameplay en phase d'escalade. Nager, moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué, le fait de nager en vrai. Ça te choque pas sur ce jeu-là, mais ça t'embête plus sur Call of the Mountain, ça y est, visiblement. d'escalade. Non, non, non, ce qui, enfin, parce que évidemment, je sais que tu es assez, je sais que tu es assez limité et que tu comprends pas forcément mes propos parce que j'utilise un vocabulaire. Oh, ça tire à balle réelle. Oh là là là là. Et j'utilise un vocabulaire assez soutenu. Alors, pour t'expliquer, Call of the Mountain, avancer, escalade, combat, avancer, escalade, combat. Moi, c'est ça qui m'emmerde en fait. C'est les phases de progression de 90% des jeux aujourd'hui. Je sais, mais en fait, ce que j'avais compris justement sur, sans l'avoir essayé, hein, Call of the Mountain, c'est que c'était assez calibré, assez mal branlé de ce côté-là. Maintenant, sur les phases de plateforme, d'escalade et sur les zones en tout cas où tu as du combat, de l'escalade et de l'exploration dans Umbris, c'est tout dans la même zone. C'est-à-dire que c'est une carte, c'est pas un monde ouvert, mais en tout cas c'est une carte assez vaste dans laquelle tu vas pouvoir plonger, tirer sur des ennemis, ressortir de la flotte, faire de l'escalade pour aller un petit peu plus haut, crafter, te faire des chemins et puis avancer comme ça au fur et à mesure. C'est pas une phase d'exploration, une phase d'escalade, une phase d'escalade. Ouais, parce que t'as testé la démo. J'ai testé la démo, en tout cas c'est ce qui était présenté au début. Voilà, mais après nager, enfin moi je l'ai toujours dit, hein, nager en bougeant les bras, faire de l'escalade en bougeant les bras, c'est pas un truc qui m'intéresse non plus, mais en tout cas dans ce jeu là, sur la démo, la démo qui durait je crois une demi-heure à peu près, ça m'a paru en tout cas acceptable. Acceptable. Ok. Ça te va? Mais je t'aime quand même. Oui, hein. Oui, je t'aime quand même, c'était, hein, c'est pas grave. Hein. C'était une pique et c'était pour parler du fait que voilà, il y en a qui s'inquiétaient du gameplay. Non, moi après, il m'intéresse. Hein. Mais je pense qu'en vrai, franchement, enfin, cette démo, je le répète, d'une demi-heure en tout cas, a fait que ça m'a un petit peu emporté et que juste ça s'est coupé quand j'étais vraiment putain, non, c'est fini. J'espère que ça te fera pareil avec Call of the Mountain. Bah, j'espère aussi, hein. C'est tout ce que j'espère, hein. Franchement. J'espère pouvoir dans quelques mois dire putain mais j'ai été con, j'ai rien compris et puis voilà, j'avais tort. Ah ouais putain, moi aussi j'aimerais depuis le temps qu'on te le dit. Le problème c'est que j'ai toujours raison, donc voilà, c'est un petit peu ma malédiction. Ah là là, ce melon. Incroyable. Bah, il faut. Vous savez quand même que plus on attend le PSVR et plus je suis hypé moi par le PSVR, le PSVR 2. Ouais. Parce que là, alors il y a une personne, alors je sais plus son nom, parce qu'elle est intordable son nom, un japonais qui a publié un article il y a de ça un jour, au moment où on enregistre, et ce japonais là est conseiller technique dans plusieurs entreprises, il est même professeur au niveau technologique dans les entreprises. Son nom s'affiche sur le générique de The Last Guardian de Japan Studio. D'ailleurs, il est suivi sur son compte LinkedIn par Shuei Yoshida. Et lui, il a eu l'occasion de tester le PSVR 2, notamment sur Resident Evil 8. Et c'est très intéressant son article. Alors, j'essaierai de le reposter ou peut-être même de faire un article pour vous mettre les liens. Alors lui, il a pas joué au jeu en essayant de découvrir le côté sympa du jeu, le côté gamer, mais plutôt le côté technique. Donc c'est vrai que l'article il est assez indigeste quand on. Par contre, il y a un moment qui est très intéressant où il parle. Pendant qu'il jouait à Resident Evil, lui, ce qu'il s'amusait à faire, c'est un coup fermer un œil avec l'eye tracking, puis un coup fermer l'autre œil. Et il regardait justement comment se passait l'éclairage sur les objets, parce que ce qui l'a choqué quand il est arrivé dans Resident Evil 8, même pas, j'y c'est que les meubles. Dans Resident Evil 8, les meubles étaient particulièrement réalistes. Et ça, il a dit comment ils ont fait ça. Lui, ça lui a sauté, parce que ça lui sautait à la figure, parce qu'il est habitué, parce qu'il connaît les développements, il connaît les trucs. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à fermer un œil et il s'est aperçu que l'éclairage de. En fait, il y a deux éclairages différents sur le même meuble, comme dans la réalité. Pour chaque œil, ce qui augmente quand même la puissance nécessaire pour afficher ce gain de puissance nécessaire supplémentaire est gagné grâce à l'eye tracking. C'est quelque chose que d'habitude se fait pas en VR. D'habitude, quand on va voir n'importe quel jeu qui va être porté en VR, on aura un seul faisceau qui va éclairer le même truc sur les deux yeux. Et là, quand tu fermes un œil, bah, tu vois que le point lumineux il est à un endroit, et quand tu ouvres l'œil, bah, ton point lumineux il a été déplacé, il est pas au même endroit. Et du coup, ça rend énormément l'environnement super réaliste, et c'est là qu'il est parti sur tout un tas de trucs en parlant de en parlant de la puissance de l'eye tracking qui était indispensable pour arriver à faire tourner un truc pareil. Et il parle vraiment d'une prouesse technologique en parlant de Resident Evil 8. Alors pour l'instant, nous, on ne l'a pas eu sous les yeux, on n'a pas pu le tester. Mais en tout cas, il y a quand même des gens qui ne sont pas des branquignoles, qui commencent à dire des choses qui ont du sens. Et plus j'entends ce genre de trucs, et plus je suis incroyablement pressé de les essayer. Donc voilà quoi, c'est un truc. Tu insinues que tous ceux qui ont testé le PSVR 2 jusqu'à aujourd'hui, c'est des branquignoles ? Non, je rigole, c'est une blague. Tous sont. Ouais, non, mais je veux dire. Ne te justifie pas. Un joueur lambda, tu lui fous ça, il va dire ouais, c'est chouette. Mais il va pas se demander pourquoi c'est chouette. Et lui, il se demande, le premier truc qu'il fait, c'est pourquoi c'est chouette. Pourquoi, c'est vrai, comment ils sont arrivés à faire ça ? Pardon. Je me serais pas posé la question de fermer un œil. Non, j'ai une petite. Ce qui est super intéressant, c'est ce qu'il dit au niveau du débit vidéo, tout simplement. Il le dit clairement. Il dit la console sort de l'USB-C, donc de l'USB 3.2 génération 2, qui doit être bloqué à 10 gigabits seconde. Et lui, il fait ses calculs. Il dit une image 4K non compressée à 90 fps, et il devrait falloir au moins 24 gigabits seconde. Donc il dit c'est pas possible. Et là, il a commencé à dire mais comment Sony ont-ils fait ? C'est pas possible en fait d'avoir ça. Et c'est là qu'il est en train de fouiner dans l'USB-C et qu'il est en train de se rendre compte qu'il serait possible que finalement ce soit pas forcément un câble USB-C mais un câble qui serait DisplayPort. Merde, comment ça s'appelle ? DisplayPort, et qui autoriserait des débits supérieurs. Pour l'instant, il dit qu'il va revenir dessus parce qu'il veut analyser le truc, et c'est très intéressant justement son article parce que l'intégralité de l'article est en train de fouiner de partout et en train de dire qu'il y a des incohérences et selon lui, des choses qui n'ont pas encore été dévoilées et cet USB-C pourrait cacher quelque chose. On ne sait pas encore exactement comment, mais en tout cas, techniquement parlant, ce n'est pas possible de balancer... L'autre solution, ce serait que ça reste du 10 gigabits seconde et que l'image soit hyper compressée. Mais lui, qui est quand même quelqu'un qui a l'habitude de bosser dans le jeu vidéo et au niveau technique, il a dit l'image n'est pas compressée. Enfin, l'image est très peu compressée et il n'y a aucune compression de visible. Et c'est là où il s'est interrogé. Il dit, mais vous envoyez quoi par ce fil pour avoir une image si nette ? Donc, c'est des petits. Alors c'est un article japonais hein, qui est sorti, mais quand il est vraiment intéressant. Il faut s'y arrêter 5 minutes parce que tu te dis effectivement ouais, ça a l'air d'envoyer du lourd quand même. C'est un truc qui a l'air pas mal. Quoi. S'il vous plaît, avant que tu me perdes complètement, et c'était très intéressant, mais que tu me perdes complètement dans les explications techniques, tu parlais un petit peu du fait de fermer un œil pour avoir des reflets lumineux sur des objets. En réalité virtuelle, différent oui. Entre l'œil gauche et l'œil droit, c'est ça ? Oui. Ouais. C'est oui. Un truc qui se fait en fait depuis le début de la réalité virtuelle et ce qui fait justement que les effets de volume et les effets d'éclairage sur par exemple un flingue que tu pourrais avoir en chrome dans ta main a un reflet qui est percutant. Par exemple, sur le début de MOS 2, quand tu regardes le serpent géant que tu as buté à la fin de MOS 1, spoiler, désolé, tu vois des reflets métalliques justement. Et si tu fermes l'œil gauche, en fait, tu vas pas avoir le même éclairage que l'œil droit. Je vois pas en quoi ça c'est. Je pense qu'il y a une explication technique dans l'article que tu as lu et dont tu as parlé qui est beaucoup plus poussée que le fait de voir ce genre ça. Peut-être lié au retracing ou un truc comme ça. Mais ce syndrome visuel, c'est un truc qui est utilisé depuis tout le temps. Je pense pas qu'il parlait du. Apparemment, lui, dans l'article, il parle de. De toute façon, c'est un lancer de rayon, donc tu as le rayon qui va percuter l'objet. Donc c'est du retracing en fait, la réflexion. C'est un système de, enfin voilà. C'est le retracing en fait. C'est le... qui va faire que ton objet lumineux, c'est une boule et la boule, elle va être éclairée par ce lancer de rayon, elle va être éclairée à cet endroit-là. Lui, il avait l'air de dire que plutôt que d'avoir qu'un seul lancer, tu avais deux lancers indépendants pour chaque œil. Ouais, au niveau du calcul et au niveau du traitement voilà. Graphique et même du moteur, c'est complètement voilà. Différent. Alors juste c'est peut-être quelque chose de plus courant sur PC, c'est possible parce non, que de toute façon les puissances sont pas les mêmes. Non, je pense pas. Mais en tout cas, c'est le truc c'est pour ça que je pense qu'on va creuser le machin parce que pour l'instant on en parle et on va certainement en faire un article quand on en sera un peu plus sur la question quoi. D'accord, parce que cet aspect visuel justement, il est pas uniquement sur PC, je l'avais déjà remarqué aussi sur PSVR, certains mais effets de chrome. C'est pas lié à l'eye tracking hein. Ça, là, il parlait vraiment de deux systèmes d'éclairage différents pour chaque œil ouais, en fait. Parce que essayez quand vous avez une surface chromée dans un jeu en réalité virtuelle, fermez l'œil gauche, fermez l'œil droit, et vous allez voir que il y aura un œil, ça sera gris, l'autre, ça sera brillant, et c'est ça justement qui apporte un petit peu du l'aspect chrome et métallique des textures. Et moi, ça m'a toujours bluffé, juste, et c'est pour ça que quand j'ai un objet vraiment en face de moi en réalité virtuelle, j'arrête pas de le tourner dans tous les sens, parce que c'est un N'essayez pas si vous avez un Quest 2, ça marche pas. Silence, merde, silence, putain, mais ça fait rire que moi, mais c'est pas possible, comme, vous avez changé, monsieur. Si, beaucoup, comme on a été bon sur ce silence là. Oh beaucoup, merde, mais on n'ose pas, on n'ose pas rigoler. Tu couperas. Ah non, on laisse tout, je laisse tout, faut tout assumer. Merde, faut tout assumer. Ah putain. Donc, Majo, vous le retrouverez à la Paris Games Week si vous voulez le remercier. Voilà, n'hésitez pas à m'offrir des Quest 2, me jeter des Quest 2 dessus, les gars. Dans la gueule. Faites-vous plaisir. C'est ça. Ah putain. Bonne vanne, ça. Très, très bien. Très bien, très bien. Il faudrait que tu fasses des t-shirts. Le Quest 2, il fait pas les chromes, tu vois. Avec une cible dessus. C'est ça. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Bien entendu, on le sait. On est taquin, c'est tout. Ok, bon, ça c'était pour Hubris et puis de nombreuses digressions que je sais même pas comment est-ce que je vais chapitrer ça dans YouTube. Mais c'est pas grave. On va passer à la suite, du coup. Est-ce que tu avais autre chose, Lolo, au niveau des newsinettes qui font déjà une heure d'émission quand même? Après, c'est des news que tout le monde, qui sont pas spécialement pour la VR, il faut quand même qu'on fasse une petite phrase pour dire que la PS5 sort sa nouvelle DualSense Edge. Attention, DualSense Edge, 239,99€. Allez-y. Ah oui, c'est la Pigeon Edition, je crois. C'est la Pigeon Edition, Professional Edition, Pigeon Edition. Il me semble que c'est ça. Qui n'a plus d'ailleurs de retour haptique, si j'ai bien compris. Il y en a une version qui n'a pas de retour haptique et une autre version qui n'a plus le trackpad dessus. C'est quand même Il y a mal. Plusieurs versions de... Non, il n'y en a qu'une pour la DualSense Edge. Ah bon ? Moi, je ne sais même pas. Là, tu confonds avec une concurrente qui va sortir, qui est déclinée en trois modèles. C'est ça. Qui n'est pas à Sony, celle-là. Qui propose effectivement une version sans les retours adaptatifs. Et une autre version sans les vibrations. Pourquoi ? Parce que tu perds du temps avec ces retours adaptatifs. Et quand tu es en train de jouer ta vie et ton argent, parce que tu es un professionnel de Call of Duty, tu shooteras quelqu'un plus rapidement si tu n'as pas de moteur. Donc, ils les ont retirés. Voilà. Mais là, on parle pas de la manette Sony, attention. Hein. On parle de... faut que je retrouve le nom. Je sais plus. Oh, c'est pas grave. C'est des manettes à 278€ puis, qui sortent justement en ce moment. Et qui sont basés axés professionnels. Ouais, voilà. Attends, je vais te retrouver le nom. Meublé pendant ce temps. Je vais te redire ce que je t'ai dit. C'est cher. Voilà. Sur trop Discord. Cher. Balancer une recette de la tarte aux pommes. Non. Je vais te redire ce que je t'ai dit sur le Discord et que t'as mal pris parce que connard de PCiste que je suis. À qui ça s'adresse ce genre de manette ? C'est-à-dire qu'un joueur de FPS, il va jouer clavier souris parce que c'est comme ça. T'as un meilleur skill au clavier souris que sur des FPS, mais ça peut se faire, j'imagine. En tout cas, tu joues sur PC si tu veux vraiment jouer à Counter ou à Call of de façon efficace. Voilà, connard PCiste. Si tu veux jouer à un jeu de bagnole, tu vas pas acheter une manette pro, tu vas acheter un volant avec un pédalier. Si tu veux jouer à un jeu de baston, si t'as les moyens, jeu de bagnole, je suis d'accord. Un jeu de baston, tu vas acheter un stick arcade pour jouer à tes jeux de baston, un Street of Fighter ou des trucs si comme ça. Si t'as la place de le poser sur une table. Et t'en trouves des très petits qui font 20 cm sur 10 cm. Street of Fighter. C'est très petit. Street of Fighter, exactement. Tu peux trouver justement. À qui ça s'adresse ce genre de manette qui coûte ? Le problème, c'est que ça ne s'adresse pas à nous, à nous trois en tout cas. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vas te balader à la Paris Games Week, tu t'aperçois qu'il y a un énorme public e-sport. Et notamment des joueurs e-sport qui jouent à, je sais pas moi, Rocket League, voilà, je parlais de Arkane, c'est des gens qui jouent à la manette et qui ont justement besoin de ou même des Call of Duty, il y en a qui jouent quasiment en pro sur console, sur des Call of Duty avec des manettes, et je pense que de toute façon c'est des manettes qui se destinent certainement plus à du FPS ou à des jeux qui sont quand même on va dire super vitaminés, et qui, à mon avis, ces joueurs là ils doivent niquer une DualSense une fois par mois, quoi. Tellement ils doivent les... Et là, ce qui est bien, c'est que tu peux démonter Voilà, nous on achète une DualSense, je sais que moi la mienne, j'en ai trois, je sais qu'elles vont tenir des années. Avant que j'en bousille une, il va falloir du temps quoi. Mais c'est vrai qu'un joueur qui joue acharnément sur un Call of et qui est stressé dessus et qui est toujours Fortnite et compagnie et qui, eh ben, au bout d'un moment tu vas les niquer. Donc je pense que ça s'adresse à un public particulier. D'e-sport, ouais, mais aussi des gens qui sont très exigeants et qui s'aperçoivent qu'ils en sont à leur troisième DualSense et qui se disent putain, il y en a marre, alors que là je peux changer quand même le moteur et le stick pour 24,99€, ça évite de rechanger de manette. Donc il y a certainement un public. De toute façon, s'il n'y avait pas de public, Sony ne serait pas lancé sur ce marché. Et je parlais tout à l'heure des manettes. Alors c'est vrai que tout le monde gueule en disant qu'elle coûte 239,99€, et c'est vrai que les manettes qu'on a actuellement en face, donc je pense à la, c'est la, comment elle s'appelle, Namco je crois qu'on a une, et il y en a une autre, il y a deux manettes pro qui sont vieilles déjà, qui sont, c'est des manettes PS4. Ah oui, c'est Nakon. L'autre, c'est Nakon et Thrustmaster, je sais plus laquelle. J'ai bouffé le nom. Et ben ces deux manettes-là, les gens disent, mais regarde, à côté, la Nakon et la Thrustmaster, elles sont à 130 balles ou 140 balles. Donc là, t'es quand même 100 balles au-dessus. Par contre, ce qu'ils oublient de dire, ces gens-là, c'est que ces manettes, quand elles sont sorties, elles étaient à 260 balles. Et que maintenant, les prix ont été divisés par deux. Parce que c'est des modèles de PS4 qui se vendent plus. Par contre, si tu compares avec des manettes PS5 DualSense qui viennent de sortir, comme la SCUF, par exemple, ou SCUF qui propose trois manettes pro du même style, le premier modèle de la SCUF, il est à 200 balles, donc c'est le tout premier modèle. Alors là, tu as quand même les retours adaptatifs, tu as quand même les vibrations, tu as tout ça. 200 balles. Mais par contre, l'avantage, c'est que tu peux enlever les petits sticks pour les remplacer quand tu grilles un moteur. Et puis après, tu as les modèles beaucoup plus pro. Donc tu as un modèle Reflex Pro qui est à 249,99€, donc 10 balles de plus que la manette Sony. Et puis enfin, tu as le modèle Pro qui est à 279,99€ et qui, lui, par contre, c'est le truc qui est marrant, c'est qu'ils ont supprimé tous les moteurs. Justement, c'est un argument de vente en fait, parce que ces moteurs, pour les gens qui font du alors je dis toujours du Call of ou des jeux de ce type-là, des jeux compétitifs, ces moteurs, c'est même le retour adaptatif, c'est gênant parce que quand tu appuies sur la gâchette, ça te force. Ah oui. Et là, en fait, ça peut être gênant des fois. Tu as même plus le bouton à enfoncer. Le bouton, il est fait de telle sorte que tu vas cliquer dessus comme une souris, en fait. Comme la PS2, quoi. Donc, en fait, comme quand la tu vas PS2. Tu vas cliquer dessus et ton tir va partir tout de suite. Donc voilà, elles ont certainement un public, ces manettes-là. Encore une fois, Sony ne serait pas à se lancer là-dedans. Mais quand on voit les prix des derniers modèles de DualSense, parce que je ne sais encore plus les noms, Thrustmaster et machin, ils vont certainement ressortir la leur derrière et vous allez voir qu'elles seront aussi à 250 balles ou 270 balles. Et Nakom. Donc, moi, perso, ça ne me parle pas parce que je ne suis pas client pour ce genre de truc. Mais je pense qu'il y a quand même un public qui est... Il y a quand même des gens qui sont capables de péter 450 balles pour acheter un volant pour un seul jeu. Oui. Donc, il y a moins cher. Il y a moins cher. Oui, et puis un volant, tu as quand même un retour. Enfin, tu as quand même des sensations sur un jeu spécifique de bagnole qui est quand même diamétralement opposé à ce que tu peux jouer sur une manette. Oui, mais je suis complètement d'accord. Mais au final, tu emmerdes maman avec ton volant en plein salon. Tu te retrouves avec elle un a volant. L'habitude, tu vas te faire un jeu de bagnole. Et puis, alors qu'une manette, quand même, tu la payes 230 balles. Mais si au final, nous, sur une durée, un joueur qui est vraiment qui joue énormément. S'il est capable de bouffer 5 DualSense sur une vie, finalement il s'y retrouvera financièrement, parce que là il achète qu'une manette, et dès qu'il y a un stick qui pète, on sait que toutes les manettes, y compris celles de Xbox, y compris celles de Nintendo, ont les mêmes moteurs pour les sticks, et quand il y a un stick qui déconne, là bah, t'as 24 balles à sortir et t'as tes deux sticks. Donc, bon. Moi je me rappelle juste de Spanx, donc qui est un ancien de l'émission et un ancien de VR4 Player. Qui quand même a l'habitude, en rageant sur les jeux de baston qui joue à la manette, d'éclater ses manettes contre sa table basse, si tu veux, elle a des trous en forme de manette dedans, mais vraiment il en fracasse je sais pas combien par an. Je suis pas certain que ce soit non plus vraiment le public pour ce genre de manette à 250 boules, parce que t'auras beau pouvoir changer le stick, changer le moteur, changer tout ça. Non, parce que là il faudrait un autre type de magnet, il faudrait une manette avec une coque de téléphone flexible, tu peux jeter à 5 mètres sur un, voilà, ouais. C'est ça. Donc là, c'est encore un autre public. Là. Il faudrait qu'ils inventent la manette en caoutchouc. C'est encore un autre public. En tout cas, voilà, Spanx, je te fais un petit bisou parce que voilà, si tu nous écoutes. On donne juste notre avis sur le prix de cette manette-là. On juge pas, on donne juste notre avis. Voilà, c'est pas. Pour en revenir à la Paris Games Week, il y a quand même 3 halls à la Paris Games Week. Il y a quand même un hall complet qui est prévu pour l'e-sport. Et quand tu te fous au milieu de ça, tu t'aperçois que ça grouille et que les mecs font des compétitions à 18, à 20, à 30, tous sur une console. Et 50. Ils sont tous avec les manettes. Oui, voilà, c'est des trucs de fou. Donc, moi, ça me choque sans plus. Je pense qu'il y a beaucoup de rageux qui aiment bien cracher sur la soupe. Parce qu'encore une fois, ils comparent cette manette qui vient de sortir du DualSense par rapport à celles qu'ils connaissent sur le marché actuellement, qui sont des manettes PS4 et qui coûtent aujourd'hui 130 balles, mais qui coûtaient 260 balles ou 250 balles quand ils sont sortis. Et par contre, ça va leur faire tout drôle quand ils vont voir les nouveaux modèles pour la PS5 qui vont arriver et sur la série X, parce que ce sera les mêmes prix. Et là, on va être dans ces prix-là. Donc moi, la série X, ils ont déjà la version Elite de leur manette, il me semble. Qui n'est pas aussi chère non plus. Qui coûte combien, je sais plus. Oui, mais est-ce qu'elle a les mêmes choses dedans aussi? Ça, faut comparer. Je crois qu'il y a moins de boutons. Mais il me semble en plus que sur celle-là, ils ont intégré les alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, les deux palettes qu'ils avaient vendues séparément pour la DualShock 4 ou la DualSense, je ne me rappelle plus. Là, elles sont directement intégrées. Donc ça, c'est aussi un truc en plus qui n'existe pas sur les versions Nacon et dont tu parlais tout à l'heure de la PS4. Non. Donc c'est une feature supplémentaire qui a aussi été intégrée dedans. Maintenant, est-ce que ce prix est justifié? C'est vrai que, en fait, si on doit être réaliste, on est sur quand même une manette qui fait la moitié du prix de la console, quoi. Ah mais par contre, là, on en avait vaguement parlé. En parlant du prix du PSVR 2, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous avez vu le prix de votre manette à 240 balles, le PSVR 2, il va être à 1000 balles. Ça c'est une logique, sauf que là on est sur un produit qui est un produit de niche, un produit spécialisé pour des gens qui se disent pro et qui sont capables de dépenser cette somme parce qu'ils veulent ce produit. Le PSVR 2 ça marchera pas pareil, parce que le PSVR 2 ce sera une imprimante et les jeux ce sera des cartouches d'encre, donc plus ils le vendront et plus ils vendront des jeux, donc c'est pas du tout le même produit. Donc oui, là moi perso, je me dis que un jour, si tu fais, ça se trouve tu fais des économies en achetant ce genre de truc. Si on va voir avec le temps combien on use de DualSense. Moi, je sais que je vais pas en user beaucoup, mais je sais qu'un gros acharné est capable de niquer sa manette en une année, quoi. Donc, au bout de 4 ans, il a déjà niqué 4 DualSense. C'est vachement restreint quand même. C'est vachement restreint. Et même si tu parles d'e-sport. Ah, mais bien sûr, c'est clairement un produit de niche. Et même si tu parles de public e-sport à la Paris Games Week comme exemple, tu as quand même un certain nombre de joueurs qui est assez limité, pro. Et la majorité, c'est quand même du joueur lambda qui est plus du viewer que du joueur, quoi. Il faut pas oublier les kékés, hein. Après, je le répète encore une fois, qu'on ne s'offusque pas, on ne juge pas. Il y a de tout. Mais chacun met le pognon dans ce qu'il veut. Hein. Par kéké, c'est même pas péjoratif. Je parle d'un jeune. Non, mais je veux dire, dans le sens là, je parle d'un jeune de 12 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont contents, ils veulent une machine ou ils veulent un truc parce que il y a l'objet. Je parle de l'iPhone par exemple. Tu veux avoir un iPhone, c'est un téléphone finalement qui te sert à téléphoner. Mais pourquoi c'est un iPhone? Parce que cet objet te donne un statut différent parce que tu as cet objet. Là c'est pareil, il y en a qui sont pas forcément très bons mais qui jouent beaucoup à Fortnite et qui vont dire putain elle est trop belle, je veux celle-là, et ils vont la commander pour Noël. Parce que t'as un influenceur qui va t'en faire de la pub sur une vidéo et que ça va cartonner et que les gens vont dire oh, attends je veux la même et puis voilà. Mais bon, non mais voilà, moi je résumerais, c'est un peu comme les mecs qui se payent des 3090 pour jouer à Rise of Oblivion, quoi, tu vois. Floute ce doigt. Absolument pas. Non. Ah ouais, alors, donc pour ceux qui nous écoutent en audio, hein, je viens de faire un geste d'amour à Majo. Voilà, de tout ce que je veux lui mettre, parce que. Non mais tu vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que tu peux avoir aussi des gens qui vont se le payer juste pour dire, même s'ils s'en servent pas, j'ai une manette Elite. T'en as d'autres qui vont effectivement, comme tu dis, se la payer parce que l'e-sport. T'en as qui vont peut-être péter leur manette et se dire bon bah quitte à la changer, je vais c'est prendre ça, celle-là. C'est ça. Maintenant la vraie question, ça, c'est pas négligeable. La vraie question c'est, est-ce que ces 250 balles sont justifiées ou pas? Ça reste quand même très cher pour une manette, même si c'est un public de niche, ça reste quand même très cher. Voilà. Faut se le dire, t'as des volants comme tu dis qui sont encore plus de niches qui sont moins chères que ça. Ouais, mais enfin, les volants oui, mais plus, pas, un, ça... pas des volants PS5, attention, on n'est pas sur de l'accessoire PS5. Là. On compare sur de l'accessoire PS4. On n'a pas vu les nouveaux volants qui déboulent sur la PS5. Les volants en plus, enfin, c'est, ça, je pense un petit peu comme les manettes. Je vois pas avec, ce que ça changera. Hein. Avec différentes marques. Le prix. Mais les volants, justement, tu as aussi une gamme qui est complètement différente. Ça peut aller de je sais pas, 200 boules, voire même 150€ pour un... Ouais, mais en général, ce qui va changer, ça va être la matière du cuir qui va entourer le volant, ça va être la puissance du moteur, du retour de force, ça va être la possibilité d'adapter n'importe quel volant sur ton moteur à retour de force. Mmh. Et après, tu peux avoir le siège qui est fourni, le support. Enfin, ça va être ça, essentiellement, si tu veux. Mais ça va être... comment dirais-je, ça reste... matériel, si tu veux, ça reste pas d'un point de vue technique. Mmh. Si tu veux, après ton vol, enfin si tu prends la partie retour de force. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment dirais-je, t'as quand même plusieurs gammes de ce type de produits qui te sont accessibles. Et pour moi, il y a quand même, enfin après je me trompe peut-être, mais il y a quand même plus de techno dans un volant que dans une manette. Ça, je sais pas. Je suis pas si sûr. Je suis pas sûr non plus, mais bon. Je suis pas si sûr parce que tu as du tactile sur le panneau central, tu as des haut-parleurs, tu as des micros, tu as des LED, tu as des moteurs à retour de force, tu as des moteurs haptiques, tu as quand tu t'amuses à démonter une DualSense, tu n'as pas de place dedans, tu n'as pas un centimètre de vide. C'est incroyablement compact, quoi, le bordel. Ouais, tu as en plus. Tu restes moulé dans quelque chose qui est produit à grande échelle, là où un volant, tu vas avoir. Ah oui, bien sûr. La taille de ton volant qui va être différente, la forme du volant qui va être différente, l'implantation des boutons qui va être différente en fonction des marques. Enfin, tu vois. De toute façon, c'est pas un produit qui est vendu à perte. Ça, c'est sûr. Vu que c'est un produit de niche, de toute façon, je pense pas que les volants le soient non plus, tu vois. Donc si tu pars sur ce qu'on disait, parce qu'on avait vu les tarots pour l'Oculus Rift de 2015, je crois, ou 2016, quand il était sorti, où tu voyais que la production d'une manette Xbox coûtait $18, qui est vendue quand même $60, tu te dis que là, il y a une marge x3 dessus, sur une manette classique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il me semble que ça avait fait beaucoup parler, alors c'est l'époque de la Xbox 360, je ne sais pas si c'était sorti sur PlayStation, l'espèce d'énorme station, je crois que ça s'appelait le Juggernaut ou quelque chose comme ça, l'espèce d'énorme station de combat qui était vendue avec un jeu de robot, qui était un truc mais monstrueux, qui était vendu qui était vendu une fortune, et je crois qu'on était de l'ordre de 300-400€, quoi. Non, je crois que c'était 150, il me semble. C'est vrai ? À la sortie. Rien du tout. Et ouais, c'était jouable uniquement sur ce jeu-là. Et c'était un truc très spécifique. Et en plus, c'était mono-jeu, quoi. Mais le truc était énorme. Mmh. Ah oui, c'était énorme. Ça faisait 70 cm de large. Bah, tu vois, même ça, il faudrait vérifier. Mais même ça, tu vois, je trouve que ça serait plus justifié, on va dire, dans un prix élevé. Parce que là, on est vraiment sur un truc de niche. Et puis en plus, il faut avoir la place. Enfin bref. La taille ne justifie pas le prix, hein. Bah, La technologie. Si, parce que plus tu as de taille, plus tu as de matière. Après, en théorie, il faut remplir aussi. Il doit y avoir de la techno dedans. Ouais, mais il faut voir le nombre de pièces qui composent l'objet aussi. Parce que s'il y a énormément de petites pièces, ton prix qui peut être. Mais bref. Et puis, il y a le packaging aussi. Vous avez vu la housse. Avec ta manette, tu as une jolie boîte que tu zippes. Alors, il y a tout le côté Apple du bordel, quoi, avec le machin que tu ouvres. Tu as quand même 4 petits sticks en plus. Tu as les 2 gâchettes que tu peux changer. Tu as ton USB-C qui est dans un petit filet. Dans ces cas-là, ça se prête uniquement aux jeux qui font de l'e-sport. Si c'est un truc qui est fait pour être baladé partout à droite, à gauche. C'est des mecs qui peuvent pas se passer de leur propre manette pour pouvoir jouer. Il y en a certains qui achètent des jeux 250€ avec une statuette. Il y en a d'autres qui vont pas acheter la statuette, qui vont peut-être prendre ça. Ça reste un truc de niche. Ça reste un truc sur lequel Sony va marger comme un cochon. Ça, faut pas se mentir. Mais tout le monde le fait. Par contre, niveau valeur ajoutée au produit, il y a quand même le côté pratique. Pour justement ceux qui recherchent justement de pouvoir... Parce qu'à côté, tu as toute une installation logicielle. Donc, tu as de la recherche et du développement pour créer un logiciel pour te permettre de désactiver telle ou telle fonction, de déplacer les boutons entre eux. Mais ça va intéresser ceux qui font de l'e-sport, qu'on ne connaît pas forcément, mais certainement que si vous êtes fan d'e-sport, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Et puis, il y a le deuxième public qui vont se dire, parce que le problème du drift est un problème qui se retrouve sur toutes les consoles du marché, apparemment, il n'a pas été résolu parce que 90% des moteurs de stick reviennent de la même, société. On en avait parlé, c'était Alps Alpine. Et ce souci, il est partout. Donc chacun va cracher sur le concurrent en disant « moi, j'en veux plus de ces manettes de merde, j'ai niqué la mienne » et puis ils vont aller sur notre console, ça va arriver à la même chose. Donc au final, il y a des joueurs aussi qui en ont ras-le-bol de ça, qui vont peut-être dépenser 250 balles pour avoir cette manette à Noël parce qu'ils vont dire « putain, ben, tiens, j'ai eu des sous de mamie et puis là, j'en ai plein le cul, je vais m'acheter cette manette ». Et au final, qui vont se dire, ben, au moins quand je nique un stick, je mets 20 balles, 25 balles, et puis je rachète deux sticks, et puis ma manette, elle repart, et je sais que je garderai la même manette toute la durée de vie de la PS5. Donc, pour toutes ces raisons, c'est cher, mais je trouve qu'on tape dessus facilement. Et puis, encore une fois, je vous dis, attendez les nouveaux modèles, vous allez voir. Parce qu'on va être sur ces prix-là, hein, sur toutes les autres marques. Ben, on tape pas dessus. Enfin, moi, je crache pas sur la techno. Non, pas nous. Pour une manette, je trouve que ça fait cher. Mais je parle pas de nous. Je parle parce de ce qu'on voit sur la toile. N'oublions pas une chose, Laurent. C'est toujours pareil. Toutes ces choses, ça reste des phases de test. Donc, c'est-à-dire que s'ils voient que les gens sont prêts à mettre aussi cher dans une manette, ils peuvent se dire, ah ben attends, ils vont mettre encore plus cher pour autre chose. Tu vois, et après ça peut être alors il y a certes la concurrence, mais bon, tu parlais d'Apple, ça aussi ça s'est lu et ça s'est entendu. Est-ce que PlayStation n'est pas en train d'adopter un peu le Apple style? Il y a un moment où faut quand même faut quand même rester on va dire cohérent face à Microsoft. C'est ce qui a sauvé Apple d'être Apple. Donc, peut-être. Mais après, effectivement, tu peux aller dans l'écosystème de ton choix et en sachant que tu vas payer plus cher. Mais faut pas non plus, comment dirais-je, que ça devienne une norme que parce que c'est telle marque, c'est plus cher et basta. Parce que je suis d'accord. Qu'on se le dise, les iPhones aujourd'hui, il y en a énormément qui savent combien ça coûte à la prod et on sait tous à combien ils les revendent. Tu vois ce que je veux dire. Donc. Même si c'est Apple, ça reste plus cher que la moyenne de ce qui se fait à côté. Voilà, après, faut savoir ce qu'on veut, mais de mon point de vue, j'ai pas envie que ça devienne la norme d'avoir des matériaux qui coûtent plus cher parce que c'est estampillé PlayStation. Disons que tant qu'on a encore des DualSense à 69,99€, c'est le jour où la DualSense disparaît qu'on pourra commencer à... Pour moi, c'est un produit d'élite. Mais elle disparaîtra pas, mais qu'on se dise pas, on va la vendre comme ça. Encore pour le prix des jeux, c'est différent, mais comme voilà, aujourd'hui, on a dit 90 balles un jeu, ou 80 balles un jeu, pardon, sur la PS5. Ça fait rager, c'est 10 balles de plus parce que c'est PlayStation, parce que machin. Ok, bon, parce qu'aujourd'hui, ils sont encore capables de faire des AAA, des trucs qui coûtent cher à la prod, qui te cassent les yeux, etc. Le jour où ça s'arrête, mais quand on te dit quand même que le prix sera le même, tu vois. Donc là, c'est pareil, si la DualSense, c'est la DualSense, qu'elle est vendue ce prix-là, et qu'on te dit, on va la vendre un peu plus cher parce que, ou les coûts de production, ou ce que tu veux. Ouais, mais bon, on pourra toujours se poser la question de se demander si c'est pas aussi parce qu'ils ont pris l'habitude et parce que c'est PlayStation dans cette idée-là que c'est vendu à ce prix-là. Je crois surtout que tu achètes une console aujourd'hui, tu as une DualSense dedans, donc tu as une manette, la manette, voilà. Et puis il y a des joueurs qui veulent une manette de luxe, et quand il y a le mot de luxe, et ben forcément ça coûte cher parce que c'est de luxe. Donc je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que ça coûte cher. Par contre, on est d'accord, combien les gens sont capables de mettre ça coûte cher. Donc vu que c'est un produit de luxe, tu sais, quand tu achètes un truc de luxe, les marges qu'ils font, c'est pas du x3, c'est du x15, du x20. Certainement qu'ils doivent faire une marge énorme sur ce genre d'appareil, ça c'est sûr. Derrière, ce qui est important de savoir, c'est comment cette manette-là va vieillir face à des brutes épaisses qui vont la dérouiller. Et si il revient dans un an ou deux que le type il a cette manette, qu'il a changé juste deux fois de stick, eh ben il y en a qui vont réfléchir. Et qui vont se dire putain, j'en suis à ma troisième de drift, j'en ai plein le cul, et qu'ils peuvent passer là-dessus pour justement plus être emmerdés. Ou même des pros qui vont la titiller dans tous les sens, qui vont dire putain, elle est vraiment plus solide parce qu'elle a des renforts sur les axes. Faut voir comment elle va. Parce que là, c'est bien joli. Elle vient de sortir, il balance un truc à 240 balles. Maintenant, il faut qu'elle fasse ses preuves, la manette. Parce que si au bout de deux semaines, il y a déjà des problèmes, là, ça va pas être la même. Il y en aura forcément, comme sur tous les produits à grande échelle, mais bon. Et alors, vraie question, du coup, est-ce qu'on aura droit à des PlayStation VR Sense Edge? Hein. Est-ce qu'on aura des contrôleurs? Putain, mais vous êtes pas du tout. Alors c'est moi qui suis pas réceptif ce soir. Ah non, c'est que moi, vous m'avez complètement perdu. Sense. Là. Vous m'avez complètement ah, perdu. Des... Ah ben, le jour, est-ce que, le jour est-ce où que ça il y sera aura compatible sur le PSVR 2, est-ce qu'on aura des, ben, c'est bon. Des Sense aussi bien équipés que cette. Je sais pas ben, imagine que la VR explose et que le multiverse explose et que la VR explose vraiment et qu'ils se vendent 50 ou 60 millions de PSVR 2. Ah ouais. On l'intéresse, c'est fou, il est en train de faire un dessin. Bah ouais, moi les manettes, la technique, les machins, putain, ça y est, la mise au point qui se fait. Ah, vous m'avez perdu, les mecs, hein. Franchement, vous êtes partis trop loin là. Mais est-ce que les. Oui, on pourrait assister, parce que l'avantage de la VR, ça reste quand même que sur du l'e-sport, la VR, elle a un intérêt certain, quoi, parce qu'on va vraiment pouvoir suer en faisant de la VR. Donc après, pourquoi il n'y aurait pas oui, des manettes pro? Parce qu'il y aurait une partie pro de joueurs qui se détacherait de tout ça et qui serait demandeur. C'est comme des baskets. Hein, tu peux avoir des baskets à la halle aux chaussures que tu ne vas pas payer cher. Tu vas payer des Nike qui vont coûter 10 fois le prix parce que tu es pro, parce que tu fais de l'athlétisme dans un club. Ou... Donc voilà, c'est pour que ça bien. Arrivera aussi. Ça... Bien, Sei, c'est bon, on arrête. Pardon? Que Allô. Donc, je peux faire un enchaînement sur Majo. Et là, Sei, ça va t'intéresser aussi. C'est sur All Alloys. All Alloys. All Alloys. Ah ouais. Alors, je crois qu'il parle de Dreams. The Land Lost Dreams. D'accord. All Alloys. Ah putain. Ouais, bah du coup, alors, on a fait une petite vidéo, j'ai fait une petite vidéo, sur la chaîne pour parler bah, de diverses expériences que j'avais bien aimées, notamment Disdain, donc qui est un Castlevania-like assez ouf, j'ai trouvé, sur Dreams. Et en passant, donc, j'ai parlé des expériences Hololo, donc qui sortent tous les ans à l'occasion d'Halloween sur Dreams. Et bah, je me suis un peu avancé pour le coup parce que pour moi c'était quelque chose de normal sur le fait qu'elle serait très certainement jouable en VR et c'est pas le cas. Voilà. La dernière version donc de Hololodreams n'est pas jouable en VR, elle n'est uniquement jouable qu'en version flat. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc c'est un peu une déception, ouais, j'avoue, parce que je l'attendais, j'ai voulu la faire l'autre jour et j'ai vu ça. Donc, vraie question encore une fois, Dreams, le PSVR 2 et la VR, si les studios eux-mêmes ne partagent plus en VR, on sait que le PSVR est mort de toute façon, ça fait un petit moment, enfin il fonctionne toujours, hein, mais... Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe avec ce casque. Il y en a quelques-uns encore qui jouent, mais ils sont peu nombreux. Mais voilà, encore un des studios Play mais qui ne poursuit pas, on va dire, l'avenir du PSVR et de ses expériences en VR. Donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que ça veut dire surtout? Est-ce que Media Molecule, qui avait un plan pour Dreams de 10 années avec un portage de Dreams sur PS5, on vous rappelle quand même que la version PS5 de Dreams n'est pas sortie. Je parle de la boîte avec le logo PS5. Hein. On l'a déjà débattu. Ouais. Ben non, on n'a pas la version PS5. Est-ce que Media Molecule ont même changé carrément, sont en train de travailler sur un nouveau projet et du coup, ils sont en train de délaisser Dreams. C'est des questions qui sont légitimes quand on voit ce genre de truc. Surtout qu'ils n'ont pas annoncé de Dreams VR PSVR 2 pour le lancement du PSVR 2. Donc, est-ce que ça veut dire que ça arrivera plus tard ou est-ce que ça veut dire que ça n'arrivera jamais? En tout cas, c'est un peu bizarre quand même que Dreams, qui est quand même un studio, Media Molecule, qui est quand même un studio Sony, qui a soutenu le PSVR quand même. Tout le temps, même. Longtemps, quoi. Est-ce que. Enfin, qui le soutient encore, hein, parce que les expériences en VR sont. Oui, il y en a encore. Enfin, c'est pas le studio qui le soutient maintenant, c'est les créateurs de Dreams. Oui. Mais je veux dire, est-ce que c'est un aveu qu'il n'y aura pas de Dreams sur PS5? C'est étonnant qu'ils aient fait ça. Est-ce que c'est pas tout simplement voilà. Des expériences justement qui se portent pas en réalité virtuelle, tout simplement? Bah, celui de l'an dernier, il y était. Hein. Il y était, c'était peut-être, parce que le gameplay, justement, était peut-être un gameplay un peu plus classique et que celui de cette année est un peu plus, cinématique. Là, tu me déçois, Sei, parce que est-ce que tu as déjà vu un jeu qui ne se portait pas en VR? Un truc typiquement cinématique, je vois pas vraiment l'intérêt de le mettre en réalité virtuelle, par exemple. Enfin, je sais pas, après, j'ai pas essayé. Dans Dreams, non, parce que tu en as, et c'est ce que je disais justement sur la vidéo de Disdain, c'est que. Si tu veux vraiment profiter de plus de choses, ne sélectionne pas le contenu uniquement VR dans ta recherche, parce que tu vas passer à côté de trucs qui ne sont pas full VR, qui ne sont pas destinés à la VR, mais qui sont quand même jouables en VR. Et c'est le cas de Disdain d'ailleurs, qui ne fait pas partie, enfin moi que j'avais jamais vu du moins dans le catalogue full VR, et que j'ai trouvé comme ça. Donc c'est pour ça que pour Dream, cet argument me va pas, parce que même si t'as des expériences de merde, parce que t'en as des trucs en plat qui sont pas du tout jouables, hein, en VR, que tu peux jouer mais qui ne sont pas viables, qui donnent rien si tu veux. Ça existe. Mais venant de Dreams, pour Dreams, ça m'étonne. Alors bon, après, écoute, comme tu dis, c'est Media Molecule qui a développé le truc et pas de la communauté de joueurs, donc peut-être qu'ils ont jugé que c'était pas bon pour être porté en VR, mais. L'année dernière, tu avais des passages, effectivement, dans Hollow Dreams de l'an dernier, où tu avais des énormément de trains fantômes. Enfin, tu avais une zone où tu avais, je crois, 8 ou 10 trains fantômes différents, et tu en avais quelques-uns qui n'étaient pas jouables en VR. Mais la majorité le restait quand même, si tu veux. Mais là, il n'y a même pas la possibilité de l'essayer ou quoi que ce soit, si tu veux. Après, comme je dis, Dreams te laisse la possibilité de le faire. Ils auraient pu faire pareil et laisser la possibilité aux joueurs ou non de le jouer en VR, quoi. Voilà. C'est juste une grosse déception sur ce point-là. Et est-ce que Sony n'a pas tout simplement enterré son PSVR depuis longtemps et que nous on continue à croire qu'il est encore en vie ? Non, puisqu'il y a encore Transformers qui est sorti et. D'ailleurs, le test. Ouais, mais ça c'est pas Sony Transformers. Alors le test. C'est Bandai Namco. Le test, on a un de nos viewers qui l'a fait. Je me rappelle plus de son prénom, mais j'ai vu qu'il l'a acheté. Ouais, j'ai vu qu'il avait dit que c'était une grosse merde, un 4 sur 20 ou un 4 sur 10. Alors là, bravo. Et en plus, il a précisé qu'il était fan de la licence Transformers, donc c'est encore pire. Ah, voilà. Bon. Il a dit que c'était un jeu de début de VR, quoi, tout simplement. Ce à quoi on s'attendait. Bref, comme je lui ai répondu, de toute façon, étant donné qu'on n'a pas la clé, il était hors de question, enfin, on en a parlé entre nous, que l'un d'entre nous l'achète. Puisque ça ne nous intéressait pas. Voilà. C'est clair et net. On n'était pas prêts. C'est clair. Et j'ai une dernière chose à rajouter sur Dreams, parce que du coup j'ai refait le test, je confirme et je persiste, la DualSense ne fonctionne pas avec Dreams en VR. Il faut la DualShock 4. D'accord. Voilà. Donc ça c'est dans ma gueule ça en fait. C'est ça. C'est pas Elroco qui te. Il y a pas que toi. Titillé là-dessus. Non, c'était Sei, mais il y a pas que toi. J'avais aussi lu en commentaire, il y en a qui disaient que si, mais non, en VR, je confirme. Il faut la DualShock 4. Voilà, ça ne fonctionne pas sinon. Ok, fort bien. Est-ce qu'on peut passer à la suite du coup, messieurs ? Oui. J'ai l'impression de vous enchaîner un petit peu, mais c'est vrai que on digresse quand même énormément dans cette émission. Mais c'est ça qu'on aime. Écoute, on a rien à dire, donc. Mais c'est ça qu'on aime. C'est le principe. Donc, tu es pauvre. Dreams. Donc la recette de la tarte aux pommes. Non, mais il y a pas besoin de la recette de la tarte aux pommes. Je vais vous parler vite fait, mais alors je vais en parler, je pense, plus en détail dans 2 semaines. Ou dans 3 semaines, on ne sait pas. Hein. De Half-Life VR, il y a sur PC un mode qui est sorti sur un mode VR, donc pour Half-Life en mode HD, en mode un petit peu spécial. Alors je vous avoue que j'ai fait plus de 300 bornes aujourd'hui de route, que j'ai eu le temps de l'essayer qu'une demi-heure, que ça a complètement foiré. Je vais vous montrer là dans la version vidéo du podcast. La capture que j'ai pu faire, la capture qui s'est soldée par une erreur de script, ce qui m'a empêché d'avancer plus en avant dans le jeu. J'ai l'impression que c'est une grosse bidouille ce truc. On est très très très très très très loin de la qualité du mode VR de Half-Life 2 sur PC et sur Steam aussi. Les deux sont gratuits, donc ça c'est bien déjà. Je pense même que c'est pas obligatoire d'avoir Half-Life premier du nom sur Steam pour pouvoir jouer à ce mode. Ah bah pourtant le truc il vérifie pas si t'as Half-Life. Hein. Et surtout le jeu est complètement refait. C'est-à-dire que tu as une version HD avec les textures HD, avec des personnages qui ont été customisés dans le jeu. Tu as des choses qui ont été bien rajoutées, tu as des voix supplémentaires, tu as des scripts son supplémentaires, en tout cas de ce que j'ai vu dans l'introduction. C'est pas optimisé, ça demande encore beaucoup de patch et de réajustements, en tout cas pour le moment. Ça a l'air sympa, on va voir un petit peu ce que ça donne une fois que ça sera un petit peu corrigé tout ça. Pour le moment, en même temps, le Rift S ne fait pas partie des casques qui sont disponibles, en tout cas pour ce mode là donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a complètement foiré, c'est possible, je suis pas certain, j'ai pas essayé suffisamment longtemps avant l'émission pour pouvoir l'assurer. J'ai essayé, bof. Voilà, alors que Alpha... enfin c'est un jeu qui est encore plus vieux que Café le 2, quoi. Il a aussi, il souffre aussi peut-être un peu des années. Ah peut-être, ouais, mais même s'il a été, je l'ai dit, complètement refait, HD, avec des modèles différents, des voix différentes, etc. Je pense qu'il y a du taf, hein, quand même, derrière. Le gars s'appelle Max Makes Mod, qui a fait ça. Il a fait plein d'autres mods, mais pas forcément VR pour d'autres jeux, genre Stardew Valley, je crois, qu'il a fait un mod aussi pour ce truc-là. Ça peut être sympa, ça demande du polish, c'est pas aussi efficace et aussi... immédiat que le mode Half-Life 2 que je vous conseille, mais alors mille fois, quoi. Voilà, donc je vais essayer de continuer le jeu dans les deux prochaines semaines, et puis je vous dirai plus en détail ce que j'en pense dans deux semaines. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté là-dessus. Okay. Ensuite, nous avons pu avoir la sortie de MOS 2 sur PCVR. Et donc... par extension, on peut se dire que ça va être la version PSVR2 qu'on aura sur la console PS5 de Sony. Alors, c'est un très bon jeu. C'est toi qui avais fait le test, Majo, ou c'était Elroco, je sais plus. Non, c'est Elroco. C'était Elroco. Mais tu l'avais essayé, toi, sur PSVR. Ouais, j'avais fait la preview quand on avait fait le pod. Voilà, c'est ça. Et t'avais plutôt bien aimé, quand même. Enfin, bah, quoi? Bah tout, qu'est-ce tout, que tout, j'ai aimé tout, le règle générale, le jeu, je veux dire, le jeu au global. Va falloir, moi je l'ai pas fini puisque je l'achèterai pour le terminer, je l'ai pas acheté encore. Mais oui, de ce que j'en avais essayé, oui, il est très bien. Enfin, il est très bien. Oui. non, mais franchement, j'avais trouvé, il y a certains trucs que je trouvais mieux que le premier. Je trouvais les décors un peu différents et comment dirais-je, un peu plus fournis sur certains plans. Enfin, je trouvais que l'animation et la manière dont c'était amené était beaucoup mieux au niveau des arrière-plans, pardon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et après, bon, la narration était top. Le système de combat lui aussi était sympa. Il y avait une petite évolution au niveau des armures et tout ça. Enfin, non, je l'avais trouvé bien dans ce que j'avais fait. D'accord. Alors, juste pour vous dire, il y a le Roku qui est sur le dossier. Là, on est en train de faire une vidéo de comparaison entre la version PSVR, la version PCVR, et puis en même temps, on va mettre ça en corrélation avec des images PCVR et PSVR de MOS 1, et de voir justement les points qui ont été améliorés et aussi les points qui ont connu une certaine régression. Notamment le truc le plus flagrant qu'on voit c'est au niveau des textures, certaines textures, certains habillages, pas au niveau de la direction artistique du jeu qui est toujours somptueuse et qui fonctionne très très bien, ce qui rend globalement le jeu toujours extrêmement agréable à jouer en réalité virtuelle, mais pour tout vous dire en fait il y a le Roku déjà qui avait mis en avant certains effets, par exemple la flotte qui ne bougeait plus, qui avait plus d'interaction. Qui bougeait sur le 1, qui ne bougeait plus sur le 2. Ouais, les animations du livre aussi. Exactement. Les animations des livres. Hein. Les animations du bouquin que tu as quand tu es en mode narrateur. Qui ne bougeait pas sur le Quest, et qui sur MOS 1, les animations du livre ne bougeaient pas sur le Quest, mais bougeaient sur le PSVR et sur le PC. Voilà. Et du coup, en fait, maintenant, ne bouge plus pour tout le monde, en fait. Ça bouge plus pour tout le monde, et c'est un petit peu ce dont on avait peur lors du test, c'est-à-dire que MOS 2 était un petit peu un jeu Quest 2 qui était ensuite porté sur toutes les plateformes. C'est quelque chose qui tend à se confirmer au vu des premiers visuels sur PCVR, malheureusement. Après, on va essayer de tempérer un petit peu tout ça. Hein. Comme je vous le dis, la direction artistique est tellement bonne que du coup, globalement, ça gêne pas. Moi, ce que j'ai voulu faire là pendant les vacances, c'est-à-dire j'ai pris mon PC portable avec la 1050 Ti. J'ai refini MOS 1 sur PC dessus, avec le casque en mode médium. Et après, j'ai enchaîné avec MOS 2. En mode ultra, parce qu'il fonctionne en mode ultra sur la 1050 Ti, contrairement à MOS 1 qui fonctionne qu'en médium. Et du coup, même en passant ultra, on se rend compte qu'il y a quand même un sacré downgrade graphique, notamment au niveau des textures et puis voilà, de la finesse globale du jeu. Donc voilà. Je pense que t'as pas la bonne carte pour jouer. Mais je pense qu'après, je l'ai fait surtout sur la 3090 parce que. Parce que voilà, j'aime bien jouer à des jeux qui n'utilisent pas toute la puissance de ma carte. Et donc voilà, c'était pour vous dire qu'on va bientôt avoir... T'as le même constat sur la 3090 ? J'ai le même constat, bah bien sûr, ouais. Parce qu'en fait, le jeu, de toute façon, fonctionne en ultra, que ce soit sur une 1050 Ti ou une 3090. Mmh. C'est pareil. Contrairement à MOS 1, qui, quand tu le mets en ultra, se met à ramouiller sur la 1050 Ti. Mmh. Donc voilà. Je pense qu'il y a de l'optimisation effectivement. Bah, c'est ouais une tendance qu'on a souvent mis le doigt sur cette tendance et qui se confirmerait encore une fois quoi. J'espère que ça va pas durer quoi. Voilà. Après c'est de l'optimisation au niveau de la modélisation de certains décors, de certaines textures aussi qui sont quand même. La version PCVR aurait quand même mérité d'avoir un upgrade graphique vraiment. Non mais vraie question du coup. Pourquoi l'avoir sorti en décalé ? Parce que on a quoi, 6 mois d'écart avec la version PSVR et combien d'écart avec la version Quest 2 ? Il y a bien 2 mois d'écart avec la version Quest, enfin la version autonome du coup. Oh bah ça, il y avait une exclusivité, je crois, qui avait été Pour PlayStation, oui, mais pour les versions autonomes. Parce que Oculus et Meta, c'est pas Steam. Et que de toute façon, après, il y a des contrats qui sont signés. Que ce soit Epic, y a des... En fait, il y a Steam. L'exclusivité 1, l'exclusivité 2, et après, c'est le reste du monde. Mais bien sûr. Tu attends la fin de ton contrat pour pouvoir. Ah oui, c'est clair. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. C'est pas une question d'optimisation ou de quoi que ce soit. Hein. Ou de développement. Non, mais que tu donnes l'exclus. Ah ouais, non, mais c'est. Fin... Ah non, c'est crapuleux, hein, mais c'est pas du tout une question d'optimisation ou de développement. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Attends, on a 3 strates d'exclusivité maintenant, c'est incroyable. Bah, et encore, tu peux en avoir plus. Hein. C'est-à-dire que, imagine, Epic sur PC se mettre à faire de la VR vraiment à fond. T'en auras une quatrième de strate. Tu vois ? Nintendo ou Xbox se mettent à la VR, lol, et ben là t'en auras encore deux supplémentaires. Mais c'est comme ça, hein, c'est malheureux, mais. Donc voilà, moi j'attendais la version PCVR justement pour la faire en version optimale, et on se rend compte en faisant les comparatifs vidéo que vous allez voir donc sur la chaîne de VR4Player avec la version PSVR qu'il y a zéro amélioration entre la version PSVR et la version PCVR, mis à part des ombrages qui sont un peu plus fins et un peu plus diffus sur la version PCVR, la résolution évidemment qui est bien meilleure sur PC, mis à part ça, zéro amélioration. Voilà, donc je spoil un petit peu la vidéo de El Rocco, je pense pas qu'il m'en voudra parce que il va rentrer vachement plus dans les détails. Ouais. Certainement il va voir des choses que j'aurais pas vu, mais en tout cas voilà, ça se voit même quand tu termines MOS 1 et quand tu passes ensuite à MOS 2, ça se voit aussi sur PC. Ça peut paraître être un petit peu un constat d'encœur de mouche technique, je veux bien le comprendre, mais malheureusement c'est un fait quoi, c'est un truc qui te saute à la gueule quand tu passes de l'un à l'autre. Je voulais pas y croire au départ, mais en faisant vraiment... Tu es naïf, vieux mais naïf. Mais voilà, et bah oui, je garde mon âme d'enfant, mon âme de bambin, que veux-tu. Mais voilà, bon, bah, ça n'empêche pas que le jeu est super, qu'il est beaucoup plus long, qu'il a des phases de gameplay qui sont plus intéressantes, qu'il a une customisation de la petite souris de Quill qui est plus élaborée, que l'aventure doit être vraiment super. Je n'ai pas encore terminé MOS 2, mais je vais prendre mon pied à le faire. Mais voilà, donc c'est un truc dont on a déjà parlé justement, le maître étalon Quest, enfin, sans viser le Quest 2 en particulier, mais le maître étalon du développement sur casque portable, enfin autonome, c'est dangereux, c'est dommage, c'est un petit peu pour MOS 2, je pense pas que ce soit vraiment problématique grâce à sa qualité globale qui reste très très bonne, comme on a vu sur Red Matter 2 qui reste un jeu sur PC qui est globalement exactement la même chose que sur le Quest 2, mais qui envoie quand même visuellement. Mais faut... C'est ne pas faire honneur à, aux gens comme toi qui ont des configs de ouf. Ah mais c'est pas grave, après je veux dire, les gens qui achètent des configurations importantes sur PC, non. Je veux dire, suffit de leur apporter, enfin moi je parle pour moi, hein, quelque chose de correct et de d'agréable visuellement, t'es content de jouer à un jeu. Je pense pas qu'un bon jeu ce soit forcément synonyme d'un jeu beau, tu vois. Par contre, c'est sûr, si c'est pour faire de la, si c'est pour faire vraiment du concours de bits, bah, c'est un petit peu frustrant. Mais tu, c'est vrai que si tu prends Minecraft, c'est un bon jeu. Pourtant, il est laid. Bien sûr que c'est pas une obligation. C'est complexe tout ça. Mais ouais, par contre, c'est compliqué. Ouais. Enfin, t'es sur PC. C'est plus, ce qui choque, c'est pas le graphisme en tel du jeu. C'est plus cette sensation que le développeur en a fait le moins possible pour tirer un paquet de fric en le vendant la même chose sur tous les supports. Voilà, c'est plus ça qui saute aux yeux. Parce qu'un journée qui sortirait aujourd'hui en VR, ça resterait un journée. Il marcherait très bien sur Quest 2, il marcherait très bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter? Et encore, c'est encore un truc, parce que même Paper Beast, qui est hyper facile, qui est hyper simple graphiquement, eh ben, il arrive quand même à tirer un truc en plus, malgré qu'il soit super simple graphiquement. Parce qu'il a un moteur physique de barjo aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a une physique de ouf. Hein. Ouais. Attends. Et oui, qui jamais, j'ai jamais vu. C'est un truc de fou. Ouais, mais d'ailleurs, il est sorti sur PC. Bien sûr, oui. Et je crois que tu as les déplacements libres dedans. Tu as les déplacements libres, et par contre, mis à part la résolution, il n'y a rien de notable hein, non plus. Hein. Bien, par rapport à la version PSVR, hein, je veux dire. Bah, t'as les déplacements libres. Il y a les déplacements libres. Les déplacements libres, ce qui est déjà beaucoup, techniquement. Ce que nous avait dit Eric Chahi, effectivement, c'était quelque chose qui était vraiment casse-tête lors du développement sur PSVR. Mais voilà, pour dire. J'espère qu'il ressortira sur PSVR 2, d'ailleurs, avec ses déplacements libres, ce serait bien. Et j'espère aussi. J'y crois pas. J'espère aussi. Vraiment, le jeu que je fais une fois par an. Enfin, bref, on en a déjà discuté. Mais tout ça pour dire moi aussi. C'est un truc qui m'avait bien plu. MOS 2, quand tu le prends tout seul, le downgrade graphique ne choque pas. Quand tu passes de MOS 1 à MOS 2, tu te rends compte que certaines animations, comme tu disais, Majo, ou certains éléments du décor ont l'air un peu plus fouillés, mieux détaillés. Par exemple, un truc tout con, les trèfles qu'il y a dans MOS 2 sont beaucoup plus beaux que dans MOS 1. Tu vois, certaines modélisations de certains détails du décor sont mieux foutues sur MOS 2. Mais la qualité, les côtés un petit peu baveux de l'ensemble fait que MOS 2 est un petit peu moins beau sur PC que MOS 1. Quoi. Et c'est vraiment en passant de l'un à l'autre que tu t'en rends compte. Quoi. Les textures des sols, les reflets sur certains sols. Surtout que tu peux bien faire la différence entre la fin de MOS 1 où les deux derniers tableaux c'est le début de MOS 2. Donc il y a moins d'éléments de décor dans MOS 1, mais par contre l'ensemble est plus net, plus beau, plus vibrant quoi. Donc voilà, en tout cas il y a le détail et le comparatif qui va bientôt sortir sur la chaîne. Je vous invite à voir ça dès que ça sort, du coup, pour saluer le travail de Aleroco. Ok. Voilà. Merci Sei. Oui, je vous en prie. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter, messieurs. Bon, non, là pour cette semaine, je crois qu'on a tout dit. Et moi, je pense que je vois rien de plus. Comme on disait, hein, pour des gens qui n'avaient rien à dire, je pense qu'on a fait quand même une émission de presque 2 heures, quoi. C'est pas mal. Hein. On a toujours quelque chose à dire. Bah, moi, j'ai un truc à dire. Vas-y. J'ai testé un jeu PSVR 2. Ah oui, c'est vrai. C'est en exclusivité. Alors, en exclusivité. Alors, est-ce que tu auras des screens de ta version de ta session PSVR 2? Non. Merde. Non, non, j'ai pas pu. On m'a obligé à. Je suis sous NDA. Ouais, bien sûr. Alors, on m'a obligé à ne pas les présenter. Donc, je vais vous donner mon ressenti, puis je vais laisser votre imaginaire faire. Voilà. Quel influenceur. T'as vu ça? Incroyable. j'ai donc eu l'occasion de tester Demeo, donc dans sa version autonome, pas dans sa version PSVR 2, bien entendu. C'était la même. Et puis, c'est un jeu sur lequel j'avais jamais mis la main, mais qui m'intéressait énormément. Et puis, j'ai passé 3 heures dessus et j'en aurais bien fait plus. Voilà. J'avais prévu d'en tester d'autres, puisque j'avais aussi prévu de tester le Star Wars qui va arriver donc sur PSVR 2. J'ai pas pu, tout simplement, parce que j'ai trop joué à Demeo. Voilà. donc, pour c'est ceux qui accroché, savent pas. C'est bien. Ah ouais, franchement, oui. C'est vraiment un excellent jeu. Alors, on est loin du Pam Pam Boum Boum, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu... on va dire que c'est un mix entre le jeu de plateau, avec des dés, donc, et le jeu de cartes type Magic. Donc ça va être un petit mix des deux, donc dans un univers 3D, comment dirais-je, refait, avec un plateau au centre de la pièce. Donc ce qui est très bien, c'est qu'on peut, bon, bien entendu, se mettre à n'importe quelle distance du plateau. Alors moi, je n'ai fait que le premier, puisque bon, ben, c'est quand même enfin le jeu est quand même, l'expérience du moins d'un seul plateau de jeu est quand même relativement longue. Il y a plusieurs types de personnages, donc là on est sur du classique, on va avoir un archer, un mage, un tanker, ce genre de un voleur, enfin voilà ce genre de personnages. Donc il y en a un qui va être plus fort au corps à corps, l'autre plus fort à distance, l'autre qui va avoir des pouvoirs magiques, voilà. Enfin, c'est des personnages typiques tactiques en fait. Exactement, alors il y en a un peu plus, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns supplémentaires aussi quand tu avançais un peu plus loin dans le jeu. Et donc tu arrives, donc tu peux incarner jusqu'à 3 personnages. Donc durant ta partie, et c'est aussi un jeu qui se joue en coop, donc tu peux jouer soit en contre des joueurs, soit en équipe. Le but du jeu, donc tu vas arriver donc dans une pièce classique, tu vas avoir plusieurs autres pièces dans lesquelles tu n'as pas de visu, si tu veux. Donc en fait, pour avoir un visuel sur ces pièces, il va falloir te déplacer, et au fur et à mesure que tu vas arriver dedans, tu vas avoir des ennemis qui vont arriver. Donc, qu'il va falloir bien entendu tuer. L'objectif principal, ça va être de récupérer une clé qui est donc sur cette map, mais tu sais pas où elle est. Donc, tu as des points d'intérêt qui sont dessinés, mais tu ne sais pas quel point d'intérêt représente la clé. Donc, ton premier but, ça va être de découvrir où est-ce qu'elle est, et le deuxième, ça va être d'aller la chercher. Bien entendu, pour la récupérer, il va falloir tuer un boss, donc c'est une espèce de mid-boss. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu pourras passer donc à l'étape suivante, au plateau suivant. Une fois que tu auras fait ça, donc du coup, chaque zone thématique se conclut par un boss final. Et une fois que tu auras battu ce boss final, tu pourras donc passer au thème et au niveau suivant. Il y a un petit scénar aussi dont je ne me rappelle absolument pas, mais enfin bon, force du mal contre force voilà. Du bien, on va résumer ça comme le ça. Le mage a récupéré le bouquin, le grimoire, il faut aller le récupérer, un truc comme ça. Exactement, et en fait, donc la particularité de Demeo, c'est que tes pouvoirs, en fait, donc tu vas avoir tes pouvoirs sont matérialisés sous forme de cartes que tu vas jouer à ton tour, donc tu as 2 tours par personnage. Et en fait, donc, tu vas avoir des cartes de soins, tu vas avoir des cartes d'attaque, des cartes d'état pour mettre dans un état empoisonné ou enflammé ou ce genre de délire ton adversaire, si tu veux. Et donc, il va falloir jongler avec ces pouvoirs, en sachant que tu as des pouvoirs qui vont être avec 0 coût d'action, d'autres qui vont te coûter un point d'action, des cartes qui vont rester dans ton jeu jusqu'à la fin, d'autres qui ne vont avoir qu'une seule utilisation. Et en fait, le jeu en lui-même se fait avec l'utilisation de ces cartes. Tu as une partie aussi, donc quand tu regardes ton deck de cartes, tu as une partie de récupération d'expérience. Donc à chaque fois que tu vas attaquer des monstres ou tuer un monstre, je ne me rappelle plus exactement, ça va te donner des points, et en fait une fois que tu auras rempli ta jauge, tu vas avoir de nouvelles cartes. Tu as également des coffres donc qui sont disséminés. Je parlais des points d'intérêt au début, donc ça aussi ça représente ce que tu peux retrouver sur ces points d'intérêt. Donc des coffres qui sont disséminés sur la map et qui eux aussi te donnent de nouvelles cartes donc que tu vas avoir dans ton jeu. À noter qu'à chaque fois que tu remplis donc ta jauge d'expérience ou que tu utilises un coffre, ça te donne des nouvelles cartes pour tous tes personnages. Donc c'est une carte je crois par personnage à chaque fois. Et donc tu vas devoir te servir de ça, pour pouvoir avancer, tout en sachant que bien entendu tu ne sais pas combien d'adversaires tu vas affronter, tu ne sais pas quelles vont être les difficultés de tes adversaires, et quand tu débutes dans le jeu, tu ne connais pas non plus les spécificités de tes adversaires. Tu as par exemple des monstres qui ne sont pas des mid-boss, mais qui vont être quand même relativement costauds et invulnérables à certaines attaques ou à certains états. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez stratégique, où il faut pas... pour l'instant, alors j'ai pas joué tout seul, j'ai joué mince, avec quelqu'un qui avait de l'expérience, donc du coup qui m'a quand même pas mal expliqué le jeu en temps réel, mais faut pas y aller comme un bourrin parce que sinon je pense que tu vas tomber au premier couloir quoi. Et c'est en ça que le jeu est intéressant. Parce qu'il est super prenant et plutôt technique, finalement. Plus tu m'en parles, moi, plus ça me fait penser à Advance Wars, un petit peu. Enfin, sans le côté magique. J'y ai jamais joué, mais effectivement, je vois le principe. Ouais, c'est je vois un côté très tactique, genre, vraiment, t'as des classes, en fait, qui dominent certaines autres classes, qui sont... Et, en fait, c'est un jeu ouais, tactique, en fait, où tu dois jouer un petit peu avec, selon tes unités... lesquels vont avoir l'ascendant par rapport à d'autres et par rapport au terrain. Et là, ça a l'air complètement ça, vu que c'est du case par case. Et par exemple, je dis n'importe quoi sur Demeo, je n'ai jamais joué au jeu, mais ça se trouve, tu vois, le mage va être DPS distance et que tu vas avoir un tank qui va pouvoir avancer un petit peu plus, un peu plus près pour laisser ensuite passer peut-être des archers ou des trucs comme ça. Ça me fait vraiment penser en fait à un wargame stratégique, tactique, pur et dur quoi. C'est un peu ce délire-là où alors ton mage il peut attaquer au corps à corps, si tu veux. Tous les personnages peuvent attaquer au corps à corps. Maintenant ils vont faire moins de dégâts, mais c'est surtout que c'est ce type de personnage sera plus vulnérable en fait aux attaques ennemies. Ton tanker, voilà. Enfin ton tank pardon, il va avoir de la vie. Beaucoup alors, de défense. Je crois que il n'y a pas ça, il n'y a pas cette notion, il n'y a pas vraiment cette notion de défense. De points de vie peut-être. Voilà. Mais les points de vie sont les mêmes, si je ne dis pas de bêtises. Alors après, j'ai joué 3 heures, j'essaie de parler un peu de mémoire, mais. Il y a donc cette jauge de points de vie, je crois que c'est 5 points de vie par personnage, mais le tank, lui, il va avoir un bouclier en plus. Donc il va avoir 5, je crois que c'est ça, 4 ou 5 cases de bouclier que tu as la possibilité de recharger à chaque tour. Mais tu vois, c'est quelque chose qui ne te coûte pas de points d'action. Non, pardon. C'est une carte que tu perdras pas, donc que tu pourras faire à chaque fois que tu joues. Chaque mais tour. Par contre, ça te coûtera un tour, si tu veux, sur tes tours d'action. Donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à utiliser. Et surtout, quand t'en as plus, il faut quasiment penser à te recharger à chaque fois. Mais par contre, comme tu dis... tu vas pouvoir peut-être bloquer l'accès à comment dirais-je, à un ennemi que tu vas empêcher de passer d'une pièce à l'autre, et ton archer derrière pourra attaquer, tu vois. Là où toi, tu pourras pas être attaqué, mais par contre, ton archer pourra attaquer derrière, ou ton mage, tu vois. Enfin, mais tu n'as pas vraiment cette notion de comme tu disais, d'attaque-défense, même de terrain. Finalement, le terrain, c'est un plateau. Que tu vas avoir, ouais, mais les seules déformations de terrain que tu vas avoir, ça va être plus l'empoisonnement ou y en a un autre état, mais je me rappelle plus lequel c'est. Enfin bref. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est toi qui attaques, on va dire, un ennemi, tu vas faire, tu vas l'empoisonner par exemple. Le poison va être sur une zone. Cette zone va s'étendre au fur et à mesure des tours. Et si toi tu vas dessus, tu vas être aussi impacté par ta propre attaque. Il y a des attaques où tu peux traverser des ennemis, donc attaquer plusieurs ennemis en même temps en fonction de la ligne, parce que ça aussi c'est une donnée très importante, c'est que ta position détermine la vision que tu as du terrain, enfin la position pardon de ton personnage que tu incarnes détermine la vision que tu as sur le terrain, et tu auras certains ennemis qui seront accessibles ou non. C'est-à-dire que si dans ton champ de vision tu as un pilier qui est déterminé par le terrain, tu ne verras pas tout ce qui est derrière. Donc tu ne pourras pas attaquer tout ce qui est derrière. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que ça t'oblige à réfléchir à ton placement. Idem pour l'ennemi, du coup. Si tu es caché de ton ennemi, l'ennemi ne pourra pas t'attaquer. Donc voilà, c'est tout un tas de petites notions qui deviennent automatiques finalement à force de jouer. Ça s'est vu avec mon pote, mais du coup c'est quand même un jeu qui va te demander un peu d'investissement, je pense, et par habitude tu vas avoir tous ces petits automatismes qui vont devenir je dirais un peu jouissifs parce que c'est fun quoi, d'avoir plusieurs strates et de toujours avoir à réfléchir à quelle strate tu vas avoir à faire et à utiliser pour mener à bien ta mission. Donc là-dessus, c'est très très bien. À préciser que c'est aussi des plateaux qui sont générés de manière procédurale. Donc, c'est-à-dire que si tu fais une mission, bah, tu meurs ou tu recommences, ça ne sera pas le même plateau. Les pièces ne seront pas disposées au même endroit, les coffres ne seront pas disposés au même endroit, la clé non plus, ni la porte. Voilà. Donc, ce qui permet une rejouabilité, on va dire, quasi permanente, voilà, à partir du moment où bah, tu ne sais jamais où est-ce que tu dois aller. Voilà. Donc, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur Demeo. Et franchement, j'ai adoré. Voilà. Mais bah, je m'en doutais un petit peu déjà de ce que j'en avais vu. Parce que c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment sur, sur Quest. Pardon, et sur PCVR aussi, il me semble. Et du coup, franchement, il est vraiment cool. Vraiment. Si vous aimez un peu ces systèmes de jeux de plateau, Heroic Fantasy, etc. Ah oui, et on parle de jeux de plateau, j'ai oublié de préciser. Tu as aussi le dé. Donc le fameux dé qui est particulièrement casse-pied. T'es obligé de le lancer, donc à chaque fois que tu choisis ton action, tu lances le dé, et en fait tu as trois options sur le dé, donc soit l'attaque standard, donc c'est-à-dire que tu vas exécuter ton attaque telle qu'elle est censée être faite, l'attaque critique, donc avec symbolisée par deux épées sur le dé et qui va faire une attaque avec des dégâts plus importants ou un état plus important ou qui va zoner un peu plus large, ou alors le fail, donc c'est une petite tête de mort en fait qui est représentée sur le dé, t'en as qu'une sur toutes les faces, alors je sais pas combien, je me rappelle pas combien il y a de faces, et par contre si tu tombes dessus en fait, ben, ton personnage il perd la notion de où il est, donc il va en gros tourner sur lui-même et il va attaquer n'importe quoi, donc il peut t'attaquer à toi, enfin tu peux t'attaquer toi-même, c'est un confusion en fait, c'est confusion, ouais c'est un peu ça, mais par le hasard, oui. Tu vois, voilà, toi, donc des fois j'avoue que c'est un peu punitif et assez rageant, mais bon ça met une petite pression supplémentaire, on va dire, sur le jeu. Et des fois, tu te dis, putain, t'es trop bien, t'es en bonne posture, t'as la bonne carte. Parce que ça m'est arrivé deux fois d'affilée. Bonne carte, grosse carte de zone où tu peux enflammer toute la zone. Et voilà, tu, exactement. Et tu niques tout. Et là, t'es trop content. Et en fait, non. Mais non. Grosse tête de mort. Et là, t'attaques à l'ouest. Donc, en plus, c'est des cartes qui sont assez rares, du coup. Et, ou alors qui valent cher. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé de ça aussi. Qui valent cher du coup à l'achat et puis c'est gaspillé sur cette partie quoi, parce qu'après c'est des cartes qui reviennent pas forcément et donc voilà et pour finir j'ai oublié d'en parler, tu récupères aussi des pièces sur le parcours et à la fin de chaque niveau tu as la possibilité d'acheter des cartes, donc je crois que tu as 9 cartes qui te sont proposées qui ont une certaine valeur et du coup que tu peux échanger contre des pièces d'or que tu auras récupérées sur le plateau. À noter aussi que tu as certaines cartes, enfin toutes tes cartes pardon, sont revendables sur cette partie-là. Donc c'est-à-dire que s'il te reste des cartes que tu as l'habitude de pas utiliser ou que tu estimes qu'ils vont te servir à rien, tu peux les revendre, ce qui fait que tu as plus de pièces pour acheter d'autres cartes et tu as également un nombre limité de cartes en main, c'est... alors j'allais dire 10, mais il me semble que ça dépend des personnages. Mais tu peux pas avoir plus d'un certain nombre de cartes en main, et donc si tu en as trop, forcément il va falloir que tu choisisses certaines cartes que tu vas devoir supprimer de ton deck. Voilà. D'accord. Donc super jeu, je vous le conseille. Si vous l'avez pas sur Autonome, je vous le conseille vivement. Si vous l'attendez sur PSVR2, vous êtes curieux, franchement moi c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Je pense que, même avec certitude, je m'achèterai quand il sortira sur PSVR 2 et quand j'aurai le PSVR 2, bien entendu. Bon, ça a l'air en tout cas, d'après ce que je comprends, d'être un melting pot de plein de types de jeux différents qui ont fait leur preuve avec des règles qui sont quand même assez connues et j'allais dire basiques, mais c'est pas le terme. Non, parce qu'il est quand même, stratégique. Ouais, mais ce que je veux dire en fait, c'est que c'est des choses qui sont assez, assez faciles à appréhender et que tu peux appréhender très très rapidement en tant que joueur quoi. Que ce soit le côté plateau, je crois que ça va être un D16 ou un D12 que tu dois avoir dessus. Tout ce qui est stratégique, tout ce qui est tactique, c'est tout quoi, ce qui est un D12. Non, c'est pas un D12, c'est un D6. Que t'as dessus. C'est quoi je sais pas ce que c'est ça. Non. Un D6, un D12, je sais pas ce que c'est. C'est le nombre de facettes. Les faces sur ton dé, quoi. Ah ouais, d'accord. Je sais pas. Avec 6 peut-être. Ouais, avec un visuel qui a l'air quand même super cool, avec tout le côté vraiment stratégique. En gros, le visuel est très propre. Les effets pyrotechniques sont aussi plutôt sympas. On va dire que tout ce qui se passe autour du plateau est beaucoup moins détaillé. Bon, après, ça reste très anecdotique parce que honnêtement, j'ai absolument rien regardé de ce qu'il y avait autour pendant que je jouais. Je l'ai un peu plus vu parce que tu as aussi un espèce de... Ça aussi, c'est plutôt sympa. Tu as aussi un espèce de petit hub communautaire, on va dire, où tu peux te retrouver avec d'autres joueurs. Tu peux lancer des parties depuis là. En fait, c'est Ce hub, c'est le menu, mais matérialisé en réel, on va dire, enfin, avec des vraies choses. Où tu vas pouvoir attraper tes personnages que tu veux jouer sur une étagère, les poser sur le plateau, t'asseoir à une table, tu as une zone avec une petite borne d'arcade à la con, t'as une autre zone où tu peux faire de la peinture sur sculpture ou de la peinture sur tableau. Enfin, tu vois, un petit délire comme ça que j'ai trouvé vraiment cool. Ils ont poussé un peu le vice. Et dans cette zone-là, tu vois effectivement que... ça reste assez sommaire, si tu veux, dans le détail pur et dur de visuel. Mais par contre, quand tu jouais sur le plateau, tu le ressens pas du tout. Quand tu zoomes, même, ou quand tu attrapes, parce que tu peux attraper n'importe quel personnage, que ce soit un allié ou un ennemi, tu peux l'attraper, regarder ses stats en fait, et tu peux donc du coup le contempler. Comme ça, et c'est très propre, franchement, c'est vraiment très propre. Ça a l'air, donc, en tout cas. C'est pas un jeu qui demande énormément de ressources pour être efficace. De par ce qu'il propose, mais c'est pas un jeu non plus qui en a vraiment besoin. Quoi. Voilà. D'accord. Mais comme on en parlait, de toute façon, au niveau des effets pyrotechniques, si t'en as trop, après, tu vois plus l'action et tu t'arrives plus à suivre. Ouais, c'est ça, voilà. C'est un petit peu le piège. Ok, bah en tout cas ça donne grave envie, c'est vrai que ce jeu-là je l'ai vu un petit peu de loin, je sais que sur Discord il y en a certains justement qui sont vraiment à fond sur ce jeu-là et qui l'apprécient vraiment. Il est très bien. A priori à raison du coup. C'est très apprécié, ouais. Donc, C'est un jeu qui demande à être vraiment, pour moi, hein, joué à plusieurs. Voilà, c'est vraiment un jeu qui bien sûr. Demande à être joué en multi. D'accord. Ok, bon bah merci Majo, en tout cas ça donne bien envie. Mais de rien. Voilà. Je pense que du coup on va se quitter là pour cette émission qui dure déjà plus de 2 heures et je pense que c'est déjà pas mal. On va regarder un petit peu pendant 2 semaines. Une émission, j'espère que vous l'aurez noté quand même, qui est assez exceptionnelle parce que Majo n'a parlé ni de No Man's Sky, ni d'After the Fall. et ni de son slip avec son jeu avec Smoking des slips de un peu bêtes. Si, de smoke. Si, putain, j'ai oublié d'en parler. Oui, merci, non, c'est. Non, tu vas pas le faire. Merci. Non. Songin de Smoke, pour ceux qui le veulent, j'ai adoré ce jeu. Disponible en version boîte. Bon, et j'aurais dû en parler quand on a parlé des lecteurs physiques, et j'ai complètement oublié. Indécrotable. Vous pouvez le trouver donc en version boîte sur j'ai oublié le nom du site, c'est pas Perp, non c'est pas Perp Games. Perp Game, non, si c'est ça, c'est Perp, il me semble, hein. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises, bref. Elroku nous insultera en commentaire, il est ou Just for Game, je sais pas si c'est pas Just for Game, l'un ou l'autre. Je crois que c'est Just for Game, il est s'il est cher c'est Just for Game. Alors c'est Just for Game. C'est Just for Game. Du coup, dispo en version standard et en version de luxe, donc une petite version collector. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, moi je l'avais jamais acheté, j'avais toujours dit que le jour où il sortira en boîte, je le ferai, donc je l'ai fait, j'ai pris ma petite version. Donc si ça vous intéresse, voilà, sachez que c'est disponible. Voilà. Et donc l'émission n'est pas sponsorisée évidemment par Just for Absolument Game pas. Ou Purps Game ou Sony ou pas n'importe qui d'ailleurs. Non, par n'importe qui, oui. Voilà, on est indé. Ni par Meta. Et ben merci messieurs, du coup, pour cette émission. Bah, du coup, qui est plus du tout exceptionnelle parce que bah, t'as parlé de... Voilà, hein. Merci Majo. Ben non, du coup j'ai parlé de Songin de Smoke. Bah ouais, donc voilà, donc ça marche plus. Relance le pas sur No Man's Sky. Bon, on annule, on recommence. Salut tout le monde, c'est Sai. Bienvenue à la 4e. Bisous Lolo. Oui. À bientôt. Bah, pareil. Et puis à la prochaine émission. Bisous Majo. Dans 2 semaines. Salut messieurs. Dans 2 semaines ou 3 ou 4, on ne sait pas encore. Et puis je vous remontre un petit peu ma petite. En fonction, c'est sûr que s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est compliqué. Et ben dans 2 semaines, normalement, je serai revenu de la PJW. Et Quill qui dit normalement. Faire for player, mais ça se voit pas. Bon. Non. Ah, tant pis. Faut virer les filtres. Non. Allez, ciao. C'est flou. Salut. À plus. Ciao.